Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Gabriel Béhoud nous amènera encore une fois dans les coulisses de la Luitre et on accueillera un des nouveaux rédacteurs en chef du journal Zone Campus pour parler du prochain numéro. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 6 octobre 2015, 203 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania, ça va? Ça va très bien, toi? Oui, très bien. Ce qui me surprend toujours chez toi, c'est qu'il y a des affaires que je comprends pas des fois nécessairement. Tu sais, pourquoi est-ce que tu as une poche sur ton chandail? C'est pas vraiment une poche. Hein? C'est vraiment une poche? Oui, c'est une poche. Je peux mettre ma main. Est-ce que tu t'en sers? Pas vraiment, elle est placée. C'est drôle de place, mettre une poche sur un sein. Quoique, quand j'y pense. Mais c'est vraiment juste. Tu sais, les gars, vous avez des poches parfois sur. Sur vos gelées. Ou les paquets de cigarettes. Ouais, bon, ça tient peut-être de ce temps-là. Peut-être les lunettes de soleil. Ou... Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient de là. C'est juste une mode, en fait. Hein? Puis c'est le gilet que t'aimes tant parce que c'est les petites manches en cuir. C'est exact. C'est exact. Donc, sur ces pertinences, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Hey, merci beaucoup. Hey, c'est le fun de t'avoir. Ben oui, ça fait pas longtemps qu'on fait ça. C'est ça. On va avoir d'autres gens parmi nous en studio. Un petit peu plus tard, tu veux dire? Ben oui, exactement. Plus tard, à 8h30, on va voir Gabriel Béhoud et la chronique Dans les coulisses de la Luitre. Il va nous parler du match d'impro des Verts contre les Bleus qui avait lieu hier soir. T'étais là? J'étais là. T'animais? Chaque semaine. C'était comment? Beaucoup de monde? Beaucoup de monde. C'est impressionnant comment il y a du monde à Chasse-Galerie pour l'improvisation. Je vous jure, c'est incroyable. Mais j'en doute pas, hein, parce que moi, quand j'étudiais ici à l'université, on passait parfois pour aller chercher un café entre nos cours, parce que j'avais un cours le lundi soir, donc je pouvais pas venir, évidemment. Pour toi. Et c'était tout en plein, tu sais, comme on avait tout le temps de la difficulté à passer. Mais on dirait que cette année, ça a vraiment comme pris de l'ampleur encore plus. Ben c'est cool, on est content de ça. C'est vraiment le fun. Ensuite, à 9h, la chronique du Zone Campus, on va accueillir un des deux nouveaux rédacteurs en chef. En fait, c'est le rédacteur adjoint, qu'on appelle Louis-Philippe Quentin. Il va être avec nous à 9h. Lui et sa collègue Alexandra Lemire qui travaille au Zone Campus pour cette année scolaire. Donc, ça va être à 9h, on va leur parler. Sinon, autour de ça, ta chronique à toi, Tania Esgonner-Tutinia, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Hey, je me suis posé la question vraiment très longtemps parce que je vais vous avouer que ce matin, j'ai peut-être un petit peu de difficulté à parler. J'ai une dent de sagesse qui est en train de pousser. Oh, t'es jeune. Et ça fait vraiment mal. Ouais. Je parle comme une handicapée un petit peu. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que j'ai de la difficulté à parler ce matin. Non, mais j'ai quand même trouvé un sujet que je crois va vous intéresser. Je vais vous présenter des blogs, encore une fois, tu sais, mais différents de ce qu'on a déjà vu. Un blog québécois pour filles et pour garçons, un petit peu mixte. Okay. Et deux blogs entièrement pour gars, parce que je trouve que je parle beaucoup de sujets différents, mais rares sont les fois où que les gars peuvent vraiment se sentir interpellés par mes chroniques. Ça se peut, c'est possible, mais en même temps, assez fou en général. Il y a beaucoup plus de gars que de filles, donc les gars sont quand même bien servis, assez fou. Quand même. Mais ce matin, je vous présente des blogs simplement pour vous, messieurs. Génial, j'ai hâte d'entendre ça. Donc, Tania is gonna entertain tantôt. On va aussi faire ma chronique du mardi, le bloc pub, dans quelques instants. Mais avant ça, en musique, on s'en va entendre une nouvelle entrée du palmarès francophone. Il y en a trois. J'ai choisi pour commencer celle de Simon Kearney sur son album La vie en mauve. Voici En attendant. 80 FM. Avec le temps, je fais en attendant vider le cinéma sans souvenir en attendant. Je n'essaierai même pas de surprendre les grands rôles, je connais les doublés. Je n'essaierai même pas de comprendre en attendant. Une nouvelle entrée de Simon Kearney sur le palmarès francophone, c'était En attendant. Faut bien qu'on les essaie, les nouvelles entrées, pour savoir si on les aime ou si on les aime pas. Ben oui, on n'a pas le choix. On vous laisse deviner notre verdict sur cette chanson-là. On va s'habituer. Dites-nous votre opinion. En fait. C'est ça, ben oui. T'sais. Au lieu d'entendre la nôtre. Comme si votre opinion nous importait. Hey! Donc, passez par la page Facebook d'Assemblage Requis. Terrible. Terriblement. Donc, tu sais, terrible. Terrible. C'est des fois ce que les gens disent de la pub. Oui, mais parfois. Des fois, il peut y avoir de bonnes idées. Et voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde. Je préfère le good. I love you and I kiss you. C'est le bloc pub, chronique marketing. On parle d'idées qui font, qui changent un petit peu peut-être le monde de la publicité. Qui essaie de vous rejoindre, de vous contacter, vous les gens. Hein? Commençons par Adobe. Adobe, oui. Photoshop, tu connais. Oui, oui, Adobe, oui. Adobe Reader, Adobe Illustrator, peu importe. Pour son 25e anniversaire, la marque Adobe a créé un jeu invitant les utilisateurs à différencier une vraie photo d'un montage Photoshop. Donc, le logiciel Photoshop qui a créé le jeu Real or Photoshop. Pour souligner donc les 25 ans du logiciel, une série de 25 photos qui posent à chaque fois la même question. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un montage Photoshop? On peut publier nos résultats sur les réseaux sociaux, évidemment, afin de comparer avec les résultats de vos amis. Par exemple, tiens, il y en a un ici où c'est un gars pendu à travers sur, je sais pas si c'est une clôture ou des ouais, casiers. C'est des casiers, on dirait des casiers. Je crois que c'est peut-être des casiers, donc très très haut dans les airs. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Photoshop? Il y a une fille qui a l'air de flotter dans les airs devant une fenêtre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est Photoshop? Évidemment, il faudrait faire le test au complet. Mettons que la fille, ça a l'air Photoshopée, on va dire Photoshop. Mais il y en a 25, tu sais. Mais ouais, à chaque fois, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque fois, on te donne ton résultat. T'as pas à attendre à la fin des 25. Ah, c'est cool. Donc, dans mon cas, j'ai choisi Photoshop pour la fille devant la fenêtre dans les airs. C'était en effet un Photoshop. Ben, j'imagine. Hein? Donc, une fille qui est sur une montagne, peut-être pas sur une montagne, plus dans l'eau avec des anémones ou autre truc comme ça. Donc, je vais faire ça, c'est Photoshop parce qu'elle peut pas être sur une montagne demain. Je vais faire ton Photoshop. Pis c'est faux, non. Celle qui était dans l'eau? Celle qui était dans l'eau, c'était vrai. Ben, j'avais écrit vrai, moi. Elle a pas l'air d'être dans l'eau, on dirait. Comme dans une montagne, mais aussi dans l'eau. Bref, on pourrait continuer longtemps, mais c'est du visuel. Allez voir, c'est sur assemblagerequis.com. Je savais pas, ça faisait 25 ans, par contre. Oui, mais ça a été racheté. C'est pas Adobe qui était à l'origine de ce logiciel-là, mais oui, okay. 25 ans, c'est quand même pas mal long. Les casiers, c'est vrai. Oh! Ah! Colin! Je me suis rendue jusqu'au casier parce que je voulais voir. C'était. Et c'est vrai, c'est une vraie photo. Magnifique. Ce que Photoshop peut faire, là, on sait pas, mais ça va loin. Ça va loin. Ensuite, la Terre en 2045. Est-ce que ça va être un bon endroit ou un endroit pire que maintenant? C'est MNC Saatchi qui construit donc un monde interactif. On peut choisir de gauche à droite si on est dans un monde pollué ou dans un beau monde. C'est une publicité interactive par MNC Saatchi Stockholm pour une compagnie de gestion de la pension en Suède, SPP, qui montre donc l'impact des choix, des décisions qu'on prend de nos jours. Donc, ça peut avoir un rôle à jouer dans le futur. Et donc, c'est une publicité interactive. C'est un site web qui permet de draguer une barre entre deux réalités potentielles. Donc, le même paysage, le même environnement, mais en dystopie et en utopie. Donc, quelque chose de vraiment positif et quelque chose de vraiment négatif. Même les expressions faciales des gens changent, alors qu'une version contemporaine de What a Wonderful World de Louis Armstrong joue. Et un homme qui se demande si le contenu de son réfrigérateur va être des légumes frais ou encore de la pâte de bananes et de la salade en bouteille. Dans un monde futuriste dystopique où tout serait en bouteille ou en poudre, les bruits ambiants changent aussi avec un petit peu de bruit industriel du côté dystopien. Donc, on peut évidemment voir ça sur assemblagerequis.com. Le lien est là-dessus. C'est cool comme idée. Été actif, même si, en fait, ça vous dit pas qu'est-ce qui a causé ça, nécessairement. Non, mais quand même. C'est ça. Ça reste intéressant. Est-ce que tu as entendu parler de la campagne pour le 25e anniversaire de la LIM à Montréal? Ça, c'est la Ligue d'improvisation montréalaise. Non. On a une LIM ici à Trois-Rivières, la Ligue d'improvisation mauricienne. C'est une autre ligue. Donc, c'est pour son anniversaire, la Ligue d'improvisation montréalaise qui lance une campagne réalisée en collaboration avec le studio Boulevard, mettant en scène des improvisations fictives se situant en 1991. Donc, c'est des vidéos des affichages intérieurs et extérieurs sur les réseaux sociaux et sur le site web de la LIM. On communique qu'en 25 ans, la LIM n'a jamais cessé d'expérimenter, d'évoluer, de redéfinir sa manière d'improviser. D'où l'idée de représenter l'impro en 91 comme quelque chose de pas très bon, si c'était rempli de procédés clichés vieillots que la LIM a contribué à faire évoluer depuis. Je les ai toutes écoutées, leur publicité. Je suis même allé plus loin que cette campagne-là. Je suis allé vraiment dans le passé et je trouve que leurs campagnes publicitaires sont absolument fantastiques. Donc, on va écouter la première capsule vidéo. Je vais essayer de vous la décrire autant que possible. On commence avec des effets vidéo-cassette. Thème l'aveu en mixte. On est sur une scène de théâtre. Chérie, j'ai un aveu à te faire. Déguisé en habit des années 90. C'est fini, nous deux. Ah non, dis-moi pour que t'en as rencontré une autre. Non, pas une autre, un autre. Dis-moi pas que t'es rendu un homo sexe à poil. Non, c'est pourquoi? Parce que je te laisse pour mon hamburger de chez McDonald's. Moi aussi, j'en veux un là-bas. Viens-t'en, rentre dans mon auto. Chuck, ben. Qu'est-ce que tu fais là, là? T'es pas dans une auto, t'es dans une banane. Depuis 1991, on fait tout pour que l'impro ne soit plus comme en 1991. Ouais, c'est ça. Hein? C'est parfait, parce que pour vrai, c'est l'image que certains gens ont de l'impro. Du gros burlesque, pas drôle, n'importe quoi, ça n'a pas de lien avec rien, t'es dans une banane, c'est quoi ça, tu sais. C'est toujours vraiment très, très bon. On va en essayer une autre avec... celle-là, je l'aime. C'est le cours de danse. C'est très, très auditif de toute façon. On imagine des gens danser dans une comparée à l'impro. Comme il est terrible pour un enseignant d'avoir un groupe aussi déprimant! On se chuchote à l'oreille. Si vous trouvez que c'est nous autres qui est bof, c'est peut-être parce que ces toilettes mauvais prof. Ah oui! Eh bien, il était convoque! Un duel de danse! Un duel de danse! Ah, c'est oh mauvais. Là là. Mais j'adore ça. Du mauvais pour être mauvais, parce qu'on sait que c'est voulu que c'est mauvais. Du ouais, c'est ça. De danse. Pour moi, il y en a qui en ont fumé du bon. Oh! Le gars qui voulait faire la finale, le punchline. C'est ça. Hein? Ah. Comptage. CitronLim.com et leur site web, c'est la Ligue d'improvisation montréalaise. On les aime bien, bien fort. Ils sont drôles. Ensuite, tiens, c'est une blague, une attrape de la part de Zappos envers Google. Zappos, compagnie de souliers sur Internet. Mm-hmm. Donc, Google a récemment fait la promotion de sa nouvelle application photo en installant un camion alimentaire, un food truck à Austin, au Texas, en donnant des petits gâteaux gratuits, des petits cupcakes. Ensuite, le grand magasin en ligne Zappos s'est installé directement de l'autre côté de la rue et c'est là que les choses sont devenues un petit peu plus intéressantes. Donc, écoutons « Pay with a cupcake ». Oh. Une compagnie de technologie donnait des gâteaux gratuits à n'importe qui essayait leur application photo. Donc, on est à Austin, Texas, on voit leur camion, on voit le Pay with a Photo, où les gens recevaient une petite pâtisserie. Ils pensaient qu'ils étaient les seuls qui pouvaient rendre les gens heureux. Donc, ensuite, Zappos est arrivé en ville. Avec leur gros camion. Donc, l'idée, c'est que la boîte de Zappos demandait aux gens d'insérer les petits gâteaux qu'ils avaient reçus de la part de Google. Et ensuite, ça leur donnait quelque chose d'encore meilleur. Tu vois que Google, c'était « Pay with a photo ouais, », alors que Zappos, c'est « Pay with a cupcake ». Insérez votre cupcake, devenez encore plus heureux. Donc, les gens insèrent, avec peur, évidemment. Ah, j'ai peur, leur petit gâteau. Et elles reçoivent une boîte de carton avec, à l'intérieur, un sac à dos super cher en échange d'un cupcake. C'est non. D'utiliser donc la campagne de quelqu'un d'autre pour te faire toi-même une campagne publicitaire. On voit la main du gars qui donne la boîte. Ouais, ouais en plus. Pas arrangé partout, ça. Voilà, donc idée de Mullen Low. Est-ce que t'as vu, t'as genre des gens du food truck j'ai pas vu de ça. Cupcake qui allaient donner des cupcakes. Très bonne idée, parce que même c'est juste des employés de Google, il y a rien qui les empêche d'aller de l'autre bord de la rue ça. Un peu. Là, et là, la boîte de Zappos qui part en s'en allant. Zappos Powered by Service. Voilà. Quand même une bonne idée d'usurper comme ça l'idée de quelqu'un d'autre. Ensuite, Snickers. Tu connais Snickers, barre de chocolat? Oui. Oui. Donc, un autre petit concept. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'ai choisi plein d'articles qui ont des petites vidéos qui expliquent le concept. Ouais. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas me mettre ça, faire ça, mais quand même. Donc, Snickers, qui a fait des blagues en ligne. Et c'était quand même une bonne idée. Donc, on a demandé à Dingle Derper, avec 268 000 suivants. Trump SC, avec 605 000. Serious Gaming, 194 000. Donc, des personnes très, très connues sur YouTube ils sont, et sur Twitch. Ils sont allés sur Twitch. Ils étaient en partenariat avec ces YouTubers et Twitchers, les plus populaires de Twitch. Ils streamaient comme à la normale avec leurs jeux vidéo. Bon, l'idée, c'est que les gens jouent à des jeux vidéo et les gens les regardent. C'est bien populaire, je comprends pas trop, mais quand ouais, même. Ouais, moi non plus, je comprends pas, mais bon. Ouais. Et là, on les voyait à travers leur soirée normale de Twitch. Ah, oh, je me sens mal, il me semble que je suis fatigué. Ah, oh, mais comment est-ce que t'as manqué ton tir? Voyons donc, c'est quoi l'affaire? Ah, oh, je sais pas, je me sens drôle. Et plus ils avaient faim, plus ils changeaient, plus leurs vêtements changeaient, plus ils devenaient. Bon, il y avait la fille, elle commence à porter un bandeau sur la tête, l'autre apporte une perruque, et là tout le monde se demande mais qu'est-ce qui se passe? Donc le gars se lève de sa chaise, le Twitcher, et soudainement ils ne sont plus eux-mêmes, ils deviennent quelqu'un d'autre. Donc il devient un vieux monsieur avec une grosse barbe, tu sais. Victoria de Serious Gaming s'est rendue une grand-mère confuse. Et là, bon, je sais pas trop, je m'en vais, quel bouton fait quoi? Et Dingle Derper était rendu une espèce de biker. C'était une fille qui était une jolie blonde. Ouais, c'est ça. Les gens regardent sur Twitch, pas nécessairement pour le jeu. Exactement. Donc, et là, on les voit sortir une barre de chocolat Snickers avec un mot comme cranky de mauvaise humeur. Et là, on approche la barre de chocolat de l'écran et soudainement, on revient et là, on est redevenu la personne. Tu comprends? C'est ça l'idée. Et évidemment, les gens ben, réagissaient. Là, eux vont dire qu'ils réagissaient bien sur Twitch. Moi, je crois que les gens sur Twitch devaient être fâchés. Ouais. Mais apparemment, qu'il y avait des bons commentaires. Moi, il me semble, si je me faisais pousser un placement de produit sur une chaîne où je regarde des jeux vidéo pendant 8 heures, je pense que j'aimerais ça. Est-ce que tu payes pour regarder les jeux vidéo? Non. Non? Au moins. OK, au moins. C'est ça. Dans le fond, quand tu payes pas pour quelque chose, c'est toi le produit, comme on dit. Ouais. Donc, c'est normal que tu te fasses pousser de la pub, mais quand même, l'idée est bonne. C'est ça. Je suis juste pas certain que les gens ont tellement apprécié l'idée. En tout cas. Ensuite. Je suis d'accord. Ouais. On parle de petites voitures jouets, hein, accidentées, pour donner un message par rapport à la conduite en état d'ébriété. Toujours amusant de recevoir un petit jouet dans votre boîte de céréales ou peu importe, mais si ce véhicule que tu reçois est déjà accidenté, c'est peut-être un petit peu surprenant. Donc, c'est la compagnie publicitaire canadienne Rethink qui a créé cette cascade publicitaire assez intelligente pour Arrive Alive sur les campus universitaires en Ontario. Ils donnaient des échantillons gratuits de céréales Arrowhead Mills aux étudiants avec une surprise surprenante à l'intérieur, des voitures pré-accidentées venant directement de scènes d'accident. Donc, la cascade qui était pour montrer que ça peut prendre jusqu'à 12 heures après ton précédent verre pour descendre au niveau d'alcool zéro. Donc, juste parce que tu as dormi, ça veut pas dire que tu es rendu sobre. Et c'est pas juste parce que tu es rendu au déjeuner à manger les céréales Arrowhead Mills que tu es aussi en forme. Un message assez simple quand même. Hein? C'est quand même une très bonne idée. Très, très bon. Et c'est très long, 12 heures. Donc, pensez-y un peu. Là. Pas trop dur de faire le calcul. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Et c'est ça, c'est marqué « Just because you slept doesn't mean you're sober. » Juste parce que t'as dormi. Ça veut pas dire que t'es sobre. Et c'est « Arrive alive, drive sober. » Le message. Sais-tu comme en collaboration avec Hot Wheels? On dirait des voitures Hot Wheels. Ouais. Mais moi, je pense que c'est juste fait pour avoir l'air de Hot Wheels parce que je ne vois pas le logo. Sûrement, ouais. Doritos, tu connais la marque de croustilles? Oui, certainement. Donc, Doritos qui va essayer un périscope de 12 heures de long. Un périscope, tu sais ce que c'est, ça? Je suis pas certaine. C'est le truc de Twitter, l'application où tu peux diffuser en direct et les autres se connectent et regardent ce que tu fais. Donc, Doritos présente pour la première fois les Doritos Collisions. On les voit à saveur d'avocat. Je crois que c'est avocat, celui-là. On voit pas la saveur. Je crois que c'est guacamole et nachos. Je l'ai vu en magasin. Ouais. Ça a l'air bon. Hein? Oh, j'ai dit. Bon? Je sais pas, ça a l'air bon? Ben, ça semble quand même bon. Cool. Donc, Doritos Collisions, hey, ils volent pas les punchs. Ça a l'air bon. Ça a vraiment l'air mauvais. Donc, deux croustilles dans le même sac, habanero et guacamole, voilà. Donc, pour célébrer, Biblio Toronto a planifié, donc a prévu un périscope de 12 heures où toutes sortes de collisions vont avoir lieu, des objets qui vont se faire tirer dessus à partir de canons. Quel genre d'objets? Des billes et des assiettes de porcelaine, des tartes et une balle de baseball, des poulets de caoutchouc et des boules de quilles. Et le public peut voter sur Twitter pour savoir quel objet devrait être utilisé dans le Cannon Off, le combat de canon. Ça va être donc, c'était 30 septembre, le jeudi suivant le 30 septembre était le premier, donc c'est déjà passé, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que c'est ça? Oui, donc le Periscope commençait jeudi dernier. Et c'était les paires, les 12 meilleures paires sélectionnées par les fans qui allaient être live streamées à chaque heure, au début de chaque heure. C'est le vidéographe Shin Chichugino qui capturait l'action et les vidéos étaient postées ensuite sur Twitter, Facebook et YouTube. Donc, on devrait pouvoir normalement retrouver ça sur la page Facebook. On les regardera pas, ça servirait absolument à rien de montrer ça à la radio. Mais cool comme idée, des collisions d'objets. Ouais. Pourquoi pas? Mais c'est ça. Tu l'as dit, hein? C'est... Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est du marketing. C'est vraiment du marketing. Est-ce que le marketing, je suis sur la page Twitter présentement, puis il y a comme des vidéos de ce qu'ils peuvent entrer en collision. De ce qu'ils peuvent, donc c'est peut-être à jeudi prochain, peut-être que l'article ouais, date du... peut-être. C'est ça, d'après ben, moi, parce peut-être. Que là, c'est daté du 2 octobre. Oui. Puis il y a comme des essais, mettons. C'est confus. C'est très confus. Est-ce que tu as entendu parler de la nouvelle campagne de Kijiji? Non. Oh, c'est celle sur YouTube là, où ouais. Ça rappe. Hey, sérieusement. Ils sont cool, hein? Ils sont vraiment cool. Ils sont vraiment très, très bons. On va en écouter une coupe pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Cloudraker a imaginé pour Kijiji des vidéos pre-roll. C'est des vidéos qui sont faites pour être placées avant les vidéos sur YouTube. Tu as chialé ce matin même sur les pubs sur YouTube. Hein? Oui. Ben, je chialais tout à l'heure parce que j'essayais d'écouter une chanson. C'est ça. Mais imagine, les publicités sur YouTube depuis quelques temps n'arrêtent pas d'empêcher les gens de skipper en disant yo yo yo, don't skip that shit, yo. T'sais? Donc, c'est un peu ce que Kijiji veut faire. C'est des rappeurs qui mettent leur talent à profit dans le but d'évoquer les attributs de la marque. Mettant en vedette 4 artistes, 8 vidéos ont été produites dans un style entre le clip musical et la publicité. Cette initiative est née d'une volonté de créer du contenu spécifiquement à YouTube, loin des formats publicitaires traditionnels. Conçus de pair avec des musiciens provenant de l'industrie musicale, les paroles et pièces ont été écrites par les rappeurs. Ça veut pas dire qu'on les comprend toutes, hein? Celle qui est sur les voitures, là. Oui. Tu sais, la première ouais. Est vraiment bonne, si jamais tu veux l'écouter. Oh, moi, je suis comme, comment il fait? Je les ai toutes écoutées, un peu comme je l'ai fait avec l'autre. Je les ai pas tous écoutées, honnêtement. Très, très, très bon. Donc, écoutons la première à l'instant sur Kijiji. Ok, va donc sur Kijiji, y'a des vieux Sharpie et des neufs. Chevelle SS d'époque, Win Chevy 2009. Volkswagen, Mini Cooper, Grand Caravan, Dodge, Honda, Mazda, Kia, Akira, Toyota, Subaru, Jeep, Liberty, Nissan, Mitsubishi, Harley Davidson, Suzuki, tout ça sur Kijiji. What? Tu vois, c'est des 15 secondes, c'est super efficace. C'est des 15 secondes, mais vraiment, comme tu le dis, c'est vraiment efficace. C'est comme celle qui s'appelle « C'est rapide, c'est facile, c'est gratuit ». On l'écoute? Celle-là aussi est très bonne. Hey, skip pas, j'ai de quoi pour toi. Skip pas, là. C'est rapide, c'est facile, c'est gratuit. Y'a des vélos, des patins, pis des outils. Des ordi, pis des meubles d'ordi. Des télévisions, pis des téléphones aussi. Y'a des bébés, la bébé, limousine, machine à café, condo, tu bateau déléguidé, pis des billets pour le hockey, table illuminée. Des CD, des vinyles, DVD, Blu-ray. Toutes sortes d'accessoires informatiques. Xbox, deux manettes, caméra numérique. Un kit de batterie, pis une guide électrique. Avant de sortir, va mon truc, et celui-ci. T'sais, il dit skip pas. C'est ça, skip pas. Mais ça, c'est ma preuve. Clairement, c'était ma preuve. Ouais, moi aussi. On va essayer l'autre, voir. Ok, allons-y. Yup, stuff siège déménage. Même plus de place dans le camion déménagement. Trop de stock, faut que ça débarrasse. L'opportunité pour me faire une pièce. Bit électroménage et mini-bar, frigidaire. Puis mon canapé à donner balayeuse. Bit mineur, va se placer ton annonce. C'est gratuit, c'est facile. Encore plus rapide avec l'application mobile. Direct. C'est trop hot. T'sais, avoue, tu te fais une playlist pour ton téléphone pour exemple écouter dans ta voiture ou dans l'autobus et tu te mets ça comme pub dans ta playlist. Ah, c'est malade. Moi, je serais beaucoup trop down de le faire. Moi, je trouve que c'est beats. J'aime vraiment les beats dans ces pubs-là. Il y en a en anglais aussi sur les mêmes beats mais avec d'autres rappers. C'est vraiment super bien fait. Et encore, tu sais, Kijiji, ça me fait moins de peine de jouer 3-4 pubs d'eux autres parce qu'en tant que tel, c'est gratuit. Puis tout le monde. Ouais. Tu sais, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas en parler. Kijiji, c'est cool. C'est comme... Bon. C'est, je les trouve vraiment bonnes, ces pubs-là. Vraiment réussi. C'est, ouais, très réussi de la part de Kijiji. Maintenant, on passe à Samsung qui envoie une personne dans un monastère tibétain pendant 100 jours pour regarder la TV en paix. Hein? Ah! Les moines! Regarder la télé en rafale, c'est quelque chose qu'on fait tous, je pense. Il y a maintenant une promotion pour Samsung qui s'appelle The Catch-up Grant. C'est de DDB Stockholm qui va envoyer un gagnant chanceux à Thixi, un monastère tibétain dans les Himalayas, plus de 2 miles au-dessus du sol. Et cette personne-là va pouvoir regarder la télé pendant 100 jours sur une nouvelle Super High, Ultra High Def TV, 65 pouces courbés. Oh! Hein? La résidence commence en novembre. Si on dit que ce serait amusant de payer quelqu'un pour regarder la TV comme genre un emploi pendant un an, t'es payé pour regarder tes émissions préférées, c'est vraiment cool. C'est ouvert seulement aux gens des nations nordiques. Ça avait lieu jusqu'au 4 octobre, ça vient de se terminer. 8 finalistes étaient choisis basés sur des soumissions vidéo. On demandait aux gens de dire comment c'est qu'ils avaient de la difficulté à regarder leurs émissions préférées. La ronde finale à Stockholm avait un détecteur de mensonges pour déterminer si les applicants avaient vraiment de la difficulté à regarder leurs émissions. Pour vrai? Il y a aussi des examens pour les yeux, des lentilles correctives, correctrices, des verres de contact pour assurer que le gagnant puisse vraiment savourer la qualité d'image de ses télés en 4K, en super ultra haute définition. Donc c'est ça, il y a plein d'autres détails à aller lire sur assemblagerequis.com, mais quand même vraiment cool de pouvoir regarder des émissions de télé sans cesse avec la nourriture que tu veux, avec des lunettes, des verres de contact pour t'assurer de bien voir pendant un an payé. Ça, c'est quand même cool. N'importe quand. Ensuite, c'est des fois difficile de prononcer des noms de rues dans des villes que tu connais pas, dans des pays dont la langue est différente. Donc, tu te demandes, si tu te rends au Brésil, comment est-ce que tu vas faire pour prononcer les noms des rues? Mm-hmm. Donc, les touristes qui ont de la misère à prononcer le portugais dans des villes comme Sao Paulo, 15% des chauffeurs de taxi comprennent l'anglais seulement. Donc, une équipe créative de deux agences différentes a créé Universal Signs. Donc, Mariana Albuquerque et le directeur de Publicis Art, Leandro Amaral, ont mis des autocollants sur les pancartes de rue indiquant comment les prononcer plus ou moins phonétiquement. Donc, si t'es toujours pas certain, tu peux scanner le code QR pour entendre une voix automatisée te dire le nom de la rue. Ça vient de Google Translate, mm-hmm. qui est pas super bonne pour vraiment comprendre les nuances dans les langues, mais quand même, c'est mieux que rien. Non, c'est ça. Peut-être que tu pourrais te demander comment prononcer Jabaquara ou des trucs comme ça. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Universal Signs. C'est difficile pour les touristes de prononcer des noms de rue en portugais, nous dit la petite vidéo d'une minute. Pour se promener à Sao Paulo, ils ont besoin de prononcer les rues correctement. Particulièrement dans une ville où seulement 15% des conducteurs de taxi parlent en anglais. À date, c'est tout ce que j'ai déjà dit. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Universal Sign, ça a été fait à la main. On enseigne donc aux gens à parler portugais. Est-ce que je peux tout avancer un peu? Hein? Donc, ils sont allés littéralement sur Google Translate et ils ont vraiment capturé les sons. Ils ont mis ça dans le code QR. Donc, c'est vraiment littéralement le même. Itapiva! Mais je pense qu'on a compris, c'est cool. Ouais. Brigadeiro! Mais ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin du code QR parce que c'est aussi écrit en phonétique à côté. Ah, c'est bien. En vrai texte. Ouais. C'est cool, Universal Signs pour une mobilité universelle. On va terminer bientôt. Je pense qu'on peut s'en faire peut-être une dernière. C'est JetBlue qui a dit aux New Yorkais de voler ses publicités dans des zébribus et ensuite les récompenser. Une campagne publicitaire qui dit « Steal this ad ». Plus de 100 New Yorkais ont récemment accepté l'offre de JetBlue de déchirer les posters dans un abribus. 181 abribus dans 5 boroughs à New York. Donc, elles étaient là, les publicités, directement dans le paysage. Tout ce qu'on avait à faire, c'était tirer sur l'affiche pour avoir son coupon. Dans le fond, le coupon était la grandeur de l'abribus. Wow, quand même. En tant que tel. Encore une autre vidéo à regarder. J'ai pas t'étais en feu sur les vidéos? Je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Donc, on a caché du swag en plein New York, dans les 5 boroughs. Donc, c'est ça, l'abribus, en tant que tel, c'est une affiche blanche avec des... comme un coupon, des traits d'union, des tirés tout autour. Et dessus, il y avait, bon, des bâtisses, un ballon de basketball, des billets pour une équipe de basketball, de football, des vols sur JetBlue, des hamburgers dans des restaurants. Donc, les gens passant dans l'abribus voyaient le coupon parce que c'est quand même assez clair que c'est un coupon étant donné les... Et là, ça avait l'air illégal, mais tu pouvais tirer sur un des coins et la feuille très, très mince se tirait. Il y avait des lignes pointillées en haut aussi pour pouvoir l'arracher complètement. Oh. Donc, les gens se mettent en équipe, arrachent le poster et ça dit en dessous, dites-nous que ce poster a été volé. Report this poster stolen. Il y avait 181 abribus et seulement un coupon par publicité. Ah, par abribus. Et les gens la portent dans l'autobus, parce qu'évidemment, c'est dans un abribus, donc on amène ça dans l'autobus. Et on se rend à l'endroit où on doit aller pour récolter son prix. Cool, hein? Ouais. Donc voilà, c'est tout pour le bloc pub. On en fera d'autres une autre fois, parce que je n'ai à la tonne de ça, des idées de marketing. Au retour, c'est Tania qui va prendre la place avec Tania is gonna entertain. Reste là. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. toujours à Assemblage Requis en ce mardi 6 octobre 2015. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ah oui, c'est le moment de l'émission que les gens attendent avec fébrilité. Ils se disent, quand est-ce que Mathieu Plante va arrêter de parler? Ah, oh, t'es donc bien fin ce matin. On veut tous Tania Baudin. Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bonjour Mathieu Plante. Enfin, bon matin. Bon matin, bonjour à toi. Ça va bien? Oui, très bien. On fait comme si on se parlait pas avant. Ouais, c'est ça. Tout le long de l'émission. Donc aujourd'hui, Tania, on parle de blog. Oui, on parle de blog, mais tout d'abord, Matt, je voulais juste savoir, hier, dans l'émission, j'ai présenté des trucs pour ne plus être fatigué quand on se réveille. Est-ce que t'en as mis en action ce matin, toi? Oui, en fait, je n'ai pas snoozé ce matin. Hey, moi non plus. Puis j'ai fini ma douche par un jet d'eau froide. Ah, ça non, par contre. Une chose j'ai à la mangé fois. Des kiwis. Ah non, ça, je déjeune pas. Mais c'est ça. Quand t'as, même. T'as plus de travail à moi que moi à faire là-dessus. C'est hein? Exact. Et juste de pas faire le snooze, il a fallu que je pense à toi. Ah, c'est ça. C'est ça. Je suis donc content. Tu m'as aidé parce que c'est tellement réveillante avec ta bonne humeur. Ah, t'es donc gentil. Bon, c'est le temps de parler d'un sujet diversifié comme à chaque matin. Ben oui. Je pense que j'ai tout le temps des sujets très différents l'un des autres. C'est jamais pareil d'un jour à l'autre. C'est ça. C'est clair. Mais ce matin, je suis quand même très contente parce que je me dis souvent, comme je l'ai dit en début d'émission, je présente quand même plusieurs choses qui, la plupart du temps, vont aller rejoindre les filles ouais. qui nous écoutent en ondes ou les femmes qui nous écoutent en ondes parce que je sais qu'il y en a quand même plusieurs à l'extérieur de l'université c'est qui certain. Nous écoutent. Et puis, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je fasse une chronique quand même mixte, tu sais, ou que ça va vraiment rejoindre les gars comme les filles, autres que les émissions que je présente. Oui. Parce que, tu sais, oui, évidemment, si je présente Blind Spot ou Quantico, n'importe qui peut l'écouter. C'est tu parles sûr. De char aussi? Oui. Hein? Bon. Bon. Faut pas se mettre personne à dos en disant que les chars, c'est pour les gars, puis que Quantico, tu sais. Hein? C'est ça, c'est ça. Tu sais, je suis une fille qui parle de char, alors c'est ça. Voilà. Exact. C'est cool, ça. Il y en a plusieurs qui écoutent, qui sont amatrices de voitures aussi ou de courses automobiles. Alors, tout simplement, je me suis dit, quand même, ce matin, c'est rare que je vais vraiment me centrer sur un sujet qui est quand même assez masculin ou qui est dédié aux gars. Okay. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment divisé en deux blocs. Donc, le premier bloc, je vous présente, en fait, un blog entièrement québécois qui s'appelle 1ou2fantasy au pluriel.com. Est-ce que tu penses que c'est inspiré par 3 fois par jour? Parce que le 1 et 2, ça fait 3. C'est vraiment pas les mêmes personnes qui ont parti ce blog-là. Par contre, c'est parti dans les mêmes temps que 3 fois par jour est parti. Donc, peut-être que oui, ce côté trending-là est venu en même temps. Je ne pourrais te dire, je connais pas personnellement la rédactrice et la fondatrice du blog qui est Rose Simard. Mais par contre, c'est une fille qui a quand même étudié en communication et en télévision à l'UQAM. Donc, elle s'y connaît quand même. Peut-être que oui, en voyant l'engouement. Ouais, l'engouement et la popularité que 3 fois par jour a eu, elle s'est dit bah pourquoi pas. Moi aussi, allons-y, moi aussi. C'est ça exactement. Donc en fait, c'est le blog qui est un petit peu plus spécifié pour les femmes. Donc je le disais, il va y avoir 2 blogs différents. C'est pour les filles puis les femmes principalement. Par contre, les hommes, selon le site internet, se risquent beaucoup à y aller. Pour comprendre les filles. bonne chance! Bonne chance! Ouais, ça, c'est... Mathieu et moi, on a quelques discussions ouais. par rapport à ça et on vient vraiment de Mars et de 2 planètes différentes, les filles et les hommes. Ouais, vraiment. Mais bon, tout ça pour dire que oui, il y a quand même des gars qui vont sur le site Internet pour justement en apprendre plus parce que les filles vont donner quelques conseils à comment justement gérer une relation ou peut-être pas gérer parce que... Chaque personne va gérer une relation différemment, mais juste quelques trucs à savoir quoi faire ou tu sais comment t'habiller ou ce genre de trucs-là. Donc, c'est vraiment des sujets traités qui sont très diversifiés. Il y a de la mode, beauté, du design intérieur. On parle de voyage sur le site. On parle de sexe aussi, mixologie, l'ingratitude de la génération Y. C'est quand même que ça, quand on parlait de trending tantôt, ouais. là, il y a beaucoup de blogs qui parlent de ça. C'est vrai qu'on éteindra la génération Y. Tout vous est dû. tout nous est dû. Peut-être pas comme ça, mais moi, je dirais qu'on est vraiment très individualiste et qu'on se fout des autres. C'est vrai, ça. Voilà, c'est dit. C'est tout ce que j'avais à dire. Surtout ceux qui sont encore plus jeunes, t'imagines? Ah ouais, non, c'est insupportable. Ça, c'est un autre sujet de chronique. On vous aime comme auditeur, mais... c'est ça. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, hein? Et il y a un sujet qui est traité qui m'a beaucoup, beaucoup... pas qui m'a beaucoup, beaucoup allumé parce que là, je vais passer pour une alcoolique. Ah! Mais en fait, il y a une partie du blog qui est une web télé. Cool. Et ça s'appelle « Un ou deux cocktails ». OK. Donc, on parle vraiment de mixologie. C'est la fondatrice et la rédactrice en chef, Rose Simard, qui est en collaboration avec Audrey Fortin, qui est elle aussi une collaboratrice sur le blog, qui se sont mis ensemble pour créer justement cette web télé « Un ou deux cocktails ». Donc, en fait, c'est très simple. Les deux filles partagent leur passion pour l'art des cocktails, l'art de la table. Elles installent leur bar dans toutes sortes d'événements estivaux différents. Donc, c'est quand même cool et à chaque fois, elles vont nous faire découvrir de nouveaux cocktails. Elles vont même parfois réinventer certains cocktails qu'on connaît déjà avec une toute autre saveur. Et le site offre des services, justement, parce que tout à l'heure, je faisais un petit peu un survol de la page et je suis tombée sur l'onglet « Service ». Service. Je suis là, mais c'est quoi ça? Ouais. Quel genre de service est-ce qu'un blog peut offrir? Mais justement, en collaboration avec la web télé, ce sont des services de cocktails sur mesure. Oh! Donc, exemple que tu as, je sais pas moi, un mariage, un 5 à 7, un lancement d'événement, un shower de bébé, ou c'est la fête de ta meilleure amie, puis tu veux un cocktail personnalisé, eh bien, c'est un ou deux fantasy.com. La web des télé. Spin-off, eux ouais, autres, c'est ça. Un ou deux fantasy.com ou un ou deux cocktails, évidemment, qui offre le service de personnaliser votre cocktail et votre événement avec ce service-là. Sérieusement, haut la main. C'est une bonne idée, oui. On devrait probablement les contacter pour venir faire un 5 à 7 ici. Ah oui. Oh, notre émission peut être diffusée de 5 à 7. Oui, c'est ça. Hey, on devrait faire ça un jeudi, puis juste... Ah comme... oui. Cling, cling. Exactement. Chin. Parmi... les collaborateurs et les collaboratrices qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup plus de collaboratrices que de collaborateurs, évidemment. Il y a seulement un gars qui, lui, fait des chroniques sur le vin, sur le voyage. Okay. Et c'est le sommelier du blog. Donc, à chaque semaine, chaque mois, il va venir faire un article sur le vin. Et je vous propose d'aller lire l'article « Quoi boire cet automne ». Il nous présente 5 vins différents, en fait, qui est bon à boire durant la saison froide. J'en veux. Et j'aime beaucoup sa réflexion qui dit « Pourquoi est-ce que c'est tant le fun de boire du vin pendant l'automne? » Tout simplement parce que le vin rouge est beaucoup moins lourd. Ah, OK. À cause justement de la température fraîche. Et tu sais, tu vas boire un vin rouge durant l'été, tu vas te sentir écrasé justement à cause de la chaleur et souvent à cause des goûts différents du vin. C'est souvent très poivré, mettons, exemple, ou corsé. Mais en automne, tu bois du latte aux citrouilles tout le temps épicé, là. Donc, c'est dans les mêmes temps dis-moi pour boire ça, le vin rouge. Dis-moi pas ça, là. J'en veux tout de suite. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Mais je suis honnêtement sous le charme de ce blog québécois-là. Je vous invite tous à aller faire un tour sur leur site Internet ou encore leur page Facebook parce qu'ils postent quand même à chaque jour. Donc, je répète, le titre, c'est « Un ou deux ». Ça, c'est vraiment en chiffres. Un ou deux, fantasy au pluriel.com. Même chose pour la page Facebook. Ça prend quelques temps simplement d'aller faire un survol du site et c'est très intéressant que vous soyez un gars ou une fille. Peut-être que le côté masculin va venir vous chercher beaucoup plus avec le collaborateur qui, lui, parle de vin justement et de voyage. Mais je vous y invite. Et au retour de la pause musicale qu'on va avoir dans quelques instants, eh bien, je vais vous présenter justement deux blogs entièrement masculins où il y a des collaboratrices quand même féminines, mais on parle de sujet de gars. Donc, on va aller écouter Crystals de Off Monsters and Men. Je trouvais que ça s'agençait bien avec le site de cocktail dont je vais vous parler au 89 FM. Drive, 'cause in the end we're all alive. my gentle burning bruise. I'm lost in time. And to all the people left behind, you are walking dumb and blind. Blind. And 2,000 years of better world. Shake. Tell you who wronged me. I am Cause I'm in this house, I'm in this hole, oh my time. Whoa. Ah, ce matin, on avait le temps de vous faire jouer un petit peu plus de musique, alors on a décidé de faire jouer du Pretty Reckless ben en oui. plus. Mais on a tellement aimé la chanson hier, alors je me suis dit pourquoi pas. C'était voulu. Ben oui, tout à fait. Je disais un petit peu plus tôt que j'allais vous présenter deux blogs entièrement masculins. C'est très, très facile. En fait, le premier blog est un blog en anglais, donc pour ceux qui préfèrent aller sur les sites Internet en anglais, messieurs, celui-ci est pour vous. C'est très simple, c'est putthison.com. Ben c'est de poutine! Non, non, pas vraiment, put, comme mettre quelque chose sur ça. Ah, excuse-moi. Parce qu'évidemment, c'est un blog de mode, mais entièrement masculine. Donc, je vous dis comment ça s'appelle. Le titre qu'il y a sur le site Internet, c'est « A web series about dressing like a grown-up ». Ah, bon. Alors, comment s'habiller comme un adulte lorsqu'on est un homme? C'est ça. J'ai besoin d'une styliste, je pense. J'adore ça. Donc, en fait, c'est l'initiative de Adam Lissiger et de Jesse Thorne. C'est deux messieurs qui ont quand même beaucoup de projets déjà dans leur poche. Je suis allée faire un petit tour sur leur Twitter ce matin et ce sont des gars qui ont des web télé, qui ont d'autres sites Internet. Il y en a un qui a un site Internet de sandwich. C'est quand même cool, à vous. Ben là, voyons. Alors, si jamais vous voulez aller faire un tour, c'est très simple. Trouvez-les sur Twitter parce que sur le site Internet, c'est complètement impossible de trouver l'historique du site. J'ai cherché pendant une heure ce matin et je n'ai rien trouvé. Wow. Alors, il est feed vers le Twitter, par contre, mais il... Ils disent absolument rien d'autre sur l'histoire du site Internet. Donc, comme je le disais, c'est un blog entièrement dédié à la mode masculine. Comment bien s'habiller selon les saisons, comment faire de bons coups, donc où magasiner à bas prix, comment tout simplement accessoiriser ce que l'on porte avec ce que l'on voudrait porter. Parfois, on le sait, ça clash, ouais. Messieurs. Hein? Tout le temps. Il y en a certains de vous qui auraient peut-être beaucoup besoin d'aller sur ce site. Arrête de me pointer. Je te pointe. Tout le monde radio, va penser que ouais, c'est ça. Mais on a vraiment beaucoup, beaucoup de chroniques. Donc, on parle aussi de questions et réponses. Donc, les gars vont répondre à vos questions si jamais vous avez des questions à savoir quoi porter pour une date ou bien, je sais pas moi... comment vous habiller tout simplement. C'est ça, puis ça n'a pas l'air non plus, tu sais, parce qu'un blog comme celui-là, je me serais attendu à des gars qui s'habillent comme vraiment en prétentieux. On a tous vu à l'université des gars qui s'habillent en prétentieux. Ça fait un petit peu hipster comme c'est blog. Ça. Mais ça n'a pas l'air si pire dans ce que je vois sur Facebook. Non, c'est ça, il y a quand même de belles chemises, il oui. y a de belles casquettes, il y a des petits foulards de poche, là, donc pour ceux qui portent des vestons. Ça dépasse un petit peu ma limite, ça, je trouve. Ouais, peut-être la tienne, là, mais il y en a beaucoup que je connais qui portent des vestons. On n'est pas animateur de talk show, ça. Non, mais il y a des sportifs ici à l'UQTR, ils ont pas le choix de porter des vestons ou des chemises. Tu comprends? Oui, oui, mais le foulard, le petit... Ouais, le petit foulard, là, c'est un accessoire ouais. qui est très recommandé. Okay. Je te dirais pas d'aller chercher celui qui a la poule dessus, là, c'est comme ça. Sur c'est... le site Internet. C'est mais... pour faire un petit splash de couleur, j'imagine? Exactement, c'est important. Demande à Jean Héroldi. C'est ça, Jean Héroldi? Jean Héroldi, ouais. c'est pas... on se fiera pas celui qui met du monde dans des cages pour les juger. Là. C'est on n'est pas c'est dans ça. Un zoo, là. Hein? Donc, comme je vous disais, c'est possible de les suivre sur Twitter et je vous conseillerais d'aller faire un tour sur leur Twitter parce que non seulement vous allez aller sur le site Internet, mais comme je le disais, vous allez pouvoir tomber sur tous leurs autres projets ouais. qui semblent tout aussi intéressants. Les sandwichs. Les sandwichs, mais il y a aussi des web télé. Donc, allez faire un tour sur Twitter, recherchez Jesse Thorne et Adam Lissiger, L-I-S-A-G-O-R. C'est super facile. Puis, je suis certaine que vous allez passer un bon moment sur ce site Internet-là. Génial, c'est déjà like. Le deuxième blog que je vous parle, c'est un blog en français. Il vient de France. Il a été créé en France en 2013. Ça a été créé par Quentin. On n'a pas le nom de famille, donc c'est Quentin. Quentin. Quentin, voilà. C'est, ça me dit rien, ce nom-là. C'est le gentlemanmodern.com. Est-ce que tu connais? Legentlemanmoderne.com. Non, je connais pas encore. Tu connais pas encore? Je veux en apprendre plus. C'est vraiment cool. En fait, c'est un site internet à vraiment sujets diversifiés, mais tous reliés aux hommes, comme je le disais. Donc, on a du lifestyle, on a de la mode, culture, automobile, on a des chroniques geek, bien-être, on a des chroniques sexy. Et j'ai fait un petit tour tout à l'heure. C'est vraiment intéressant, en fait, de lire tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de concours aussi pour vous, messieurs. On parle de parfums, on parle vraiment de beaucoup de sujets diversifiés. Donc, si nécessairement, vous êtes un gars qui aime quand même faire le tour des blogs, mais qui n'est pas nécessairement super, super into la mode, mettons. Là. Ouais. C'est comme, là, je te pointe, Mathieu. Là, tu me pointes, je me sens tout le temps visé. Si jamais vous avez d'autres sujets qui vous intéressent autres que la mode masculine, eh bien, ce site-là est pour vous. Il y a tout pour être heureux là-dessus. Là. Vraiment. Tu peux pas mentionner tantôt. Là. Tu peux pas. Je suis certaine qu'il y a beaucoup d'hommes qui passent plusieurs heures là-dessus. Oui. Parce qu'il y a plein de sujets pour hommes. Comme j'ai dit, on parle de voitures, de montres, accessoires. On a des chroniques vraiment diversifiées. Et en fait, le site Internet a gagné un Golden Blog Awards en 2014 et est encore une fois en nomination cette année. Alors, si jamais vous allez faire un tour sur le site Internet, là, c'est quasiment un placement de produit, mais prenez quelques temps pour voter si jamais vous aimez le site Internet. Moi, c'est fait ce matin et peut-être auront-ils encore la chance de gagner le Golden Blog Awards en 2015. Ils n'ont pas de page Facebook, à ce que je vois. Je suis tombée sur la page Facebook. Ah, c'est Gentleman Modern sans le j'avais tapé le Gentleman. Oui, Modern. Non, c'est ça, c'est Gentleman Modern avec un E. Voilà. Tout à fait. Et la photo Facebook, c'est un petit cadran. Ah, c'est beau, ouais, ça parle de portefeuille, ça parle de monde. Toutes des choses que je trouve vraiment cool. Pour oui, vrai. C'est ça, c'est vraiment, c'est super. Il y a une photo sur Internet où que tu vois de l'alcool avec des écouteurs, un portefeuille, du vin, des lunettes de soleil, une montre, et tu sais, comme. Des c'est rangeurs. Vraiment des. Le genre de choses masculines qui attirent les hommes, si jamais ça vous intéresse. Oui. Et peut-être même, j'ai pas passé des heures, là, évidemment, à faire le tour de ce site-là, mais j'imagine que dans le culture, on va parler aussi de politique aussi. Mmh. T'sais, la plupart du temps, peut-être que les hommes sont plus touchés par ça. Qui disent? Je pourrais pas vous dire. Ouais, c'est ça, qui disent. Là, tu me pointes pas, puis c'est quand même... Mais on parle quand même cinéma, couple, cuisine. Cuisine, donc si c'est certains des d'entre vous... Parce que l'autre a des sandwichs avec l'autre gang à la date. Oui, c'est ça. Ben, par exemple, sur la page cuisine, il y a le bonheur de faire la cuisine avec de bons produits, ah oui. Tu comprends? Tout ce genre d'affaires-là. Il y a le cab de poulet frit Kentucky dans les fast-food. On parle fast-food, hamburger. Donc, allez faire un tour, les gars. Sérieusement, ça prend quelques temps. C'est super facile. Gentlemanmoderne avec un E.com. Vous allez arriver sur la page principale et à partir de là, vous pouvez faire le tour de tous les onglets et sérieusement, vous allez en avoir pour quelques heures. Avec les trois blogs que tu as mentionnés, pour ceux qui ont beaucoup de variété de goût, là, pour filles, pour gars, peu importe, là, vous allez passer facilement votre journée au travail. Pas besoin de travailler. C'est ça qui est le fun. Passez votre temps sur Internet au lieu de travailler. C'est ce que les gens font. C'est ce que les gens font. Et pourquoi pas, je me suis dit, tant qu'à parler d'hommes, on va écouter un artiste masculin qui vient de l'Afrique du Sud. On parle de Jeremy Loop. Alors, recommence pas les insultes contre le petit Jérémy. Non, je vous jure. Je vous jure que j'y avais même pas pensé à celle-là. Alors, on va aller écouter Jeremy Loop avec la pièce Sinner au 89 FM. Now, I wrote you a letter, and I wrote to you saying that my heart's been broken. And yet to blame, it's been a year. It's been a year since you come round here anymore, you sinner. And late one evening, I came past your door. I caught you in the back house with another man, you sinner. Dear, it's been a year. Since you come round anymore, you sinner. Spiders creep round my sides when I sleep. It's been something I've gained time and again. When you always turn me blue. a letter, and I wrote to you saying that my heart's not broken, and you not to blame, you killer. Dear, it's been a year since you come round here anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Yeah, anymore, you sinner. Et c'était Jeremy Loop avec la pièce Sinner au 89.1 FM. Je trouvais que ça fitait bien avec les blogs entièrement masculins ce matin. Tout à fait, on a parlé en ronde de à quoi ça ressemblait. Là. Ça ressemble un petit peu à du Mumford & Sons. Ben oui, mais on aime ça. Qu'est-ce que ça? On aime ça. Et moi, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à du Roi Lion. Oui, aussi. Là. Mais ça, c'est pas un reproche. Là. S'il y a quelque chose que j'aime, c'est bien le Roi Lion. Oui, ben oui. Bref, c'était trois blogs que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Tu nous partages ça. Comme tout une pour les médias. Je l'ai fait à ce moment même. Génial. Pendant que nous, on prend une petite pause et au retour, on va parler du plus récent numéro de Journal Zone Campus avec un des nouveaux rédacteurs en chef. Dans quelques instants, Assemblage Requis a resté avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Toujours à Assemblage Requis, en ce mardi 6 octobre, Tania Baudin, là. En compagnie de Mathieu Plante. Oui, dans quelques instants, on va recevoir notre ami Louis-Philippe Quentin, qui est un des nouveaux rédacteurs en chef du Journal Zone Campus. Mais avant ça, on est tout excités. Oui, parce que... Il y a une nouvelle chanson de La Bronze! Oui! On adore La Bronze. Si vous écoutez l'émission moyennement régulièrement, vous avez entendu une fois par jour environ la chanson Explose-moi. Au moins. Uh-huh. Parce qu'on aime beaucoup cette pièce. Exactement. Il y a une nouvelle chanson qui s'appelle Mon cœur est fauve. Une production de Mister Valère, imaginez-vous. Donc, ça promet beaucoup. C'est deux fois meilleur. La Bronze, tout de suite, à Assemblage Requis. Devant ta beauté de roi, Wow, nouvelle pièce de la bronze, Tania, qu'on est donc content d'entendre ça. Oui, puis on disait que c'est produit avec Mister Valère, alors j'aime bien le son que ça a. Tout à fait, c'est toujours bon du Mister Valère. La vidéo est sur YouTube, cherchez la bronze, mon cœur est fauve. Même que si t'es vraiment fine, tu peux même nous partager ça sur la page Facebook. Ben hein? Oui, certainement, je préfère ça. Hein? Faisons une dégringolade de contenu à chaque émission le matin de même. C'est pas déjà ça qui se passe? Après avoir passé 5 ans à jamais mettre à jour le Facebook, là ben au moins il y a de l'activité dessus. Exactement. Question de le liker, hein? Allez-y, likez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Tiens, quelqu'un qu'on like vraiment, c'est... on commence par un compliment. On te like. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de commencer par des compliments pour essayer de se le mettre de notre bord. T'sais. Ben oui. C'est le nouveau rédacteur en chef du journal Zone Campus. Genre... Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Ah, bonjour. Zone Campus, un journal qui frappe. Voilà, Zone Campus, qui est le journal des étudiants de l'UQTR, qui a besoin de sa petite intro en train de frapper des mouches. Oui. Et le frappeur de mouches, le nouveau... en fait, on dit frappeur adjoint de mouches. C'est Louis-Philippe Quentin, nouveau rédacteur en chef, conjointement avec Alexandra Lemire. Bonjour à toi, premièrement. Bonjour, Mathieu. Merci d'être avec nous, si tôt comme ça, un mardi matin. Et on va te recevoir chaque deux semaines pour parler du plus récent numéro. Un jour, j'espère pouvoir rencontrer en onde ta collègue Alexandra. Pour l'instant, elle avait un cours, je crois, ce matin. Oui, effectivement. C'est pour ça que je me charge de cette partie de la tâche. Voilà. Mais tu vas bien le faire, j'en suis certain. Et on va parler du Zone Campus qui va être en kiosque à partir d'aujourd'hui, du 6 au 19 octobre 2015. C'est le numéro 3 du volume 11. Donc, il y a une période de transition et c'est pour ça que tu joins l'équipe avec Alexandra en tant que nouveau co-rédacteur en chef. En une, on parle du Salon des vins, bières et spiritueux de Trois-Rivières. Donc, 52 500. J'ai déjà dit que j'étais dyslexique des chiffres. Hein? Ouais, non, la semaine passée, tu disais que ça existait, mais pas que tu en souffrais. Je pense que j'en souffre. Donc, 52 500 $ au profit des Patriotes. Je pense, bon, ça fait la une, mais je pense que ça fait pas mal le tour du sujet pour ça. Ah, ben effectivement, c'était simplement important de discuter de la chose, de montrer qu'on a bien réussi la chose avec ce 24e Salon des vins. Tout à fait. Donc, en actualité, on commence avec l'Assemblée générale annuelle de l'Association générale des étudiants, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, c'est tout simplement un résumé que notre journaliste Lisanne Marseille nous fait de la chose. Ça s'est passé au 10-12 en après-midi. Une salle qui était, disons, relativement bondée. On a évidemment fait le tour de tous les sujets qu'il y avait en motion à l'Assemblée générale. Expliquer les frais institutionnels obligatoires, 55 000 $ à l'association étudiante. Avis de motion relative au vote de grève électronique. Effectivement, s'il y a quelques problèmes qui s'occasionnent, comme on a déjà vu dans les dernières années, on a peut-être pensé faire un vote de grève électronique cette fois. Est-ce que c'est une bonne idée? On ne sait pas. C'est quelque chose que vous allez pouvoir juger après avoir lu l'article de Lisanne Marseille. Absolument. C'est le retour du mot de la rédaction après une petite absence en début de session pendant la transition de rédaction. C'est beaucoup de mots en rond. c'est un nouveau concept. Étant donné qu'on a deux personnes au sommet, vous allez vous partager la tâche un numéro sur deux, c'est ça? Ben exactement. On se demandait un petit peu comment aborder ça. Étant donné qu'on est deux, on voulait pas faire un mot écrit à deux. C'était assez... Ça sonnait drôle de le faire. Finalement, on s'est dit que ça pourrait être intéressant tout simplement de s'alterner. Donc, vous pourrez voir dans le premier mot de rédaction cette fois-ci que c'est moi qui me présente. Puis ensuite de ça, je vais vous parler de sacraliser le réel, c'est-à-dire de sacraliser l'artiste dans la société moderne. Ah, je trouvais que c'était un sujet intéressant. C'est l'est, en effet. Et ça rejoint ta branche d'art et spectacle que tu fais déjà en tant que chroniqueur dans le journal aussi. Exactement. Hmm. Débat des chefs à l'UQTR, il y a 4 candidats qui vont délibérer grâce à un débat de la Gazette de la Mauricie. Oui, effectivement, le débat des chefs qui va se dérouler, est-ce que tu peux me rappeler? C'est jeudi, là, à la... C'est pas demain? J'ai vu ça, le 7. C'est pas supposé être jeudi? Ah bon, OK, là, on s'en mêle. Il y a un événement sur Facebook qui circule que c'est le 7 au 10-12. OK. Je sais qu'il y a deux débats en ce moment. Peut-être qu'on se mélange un petit peu parce qu'il y a un débat par rapport à l'UQTR, les élections fédérales, qui a lieu le 7, donc demain au 10-12. Ça, c'est présenté par l'AGE. Et l'autre débat, c'est présenté par la Gazette de la Mauricie. C'est jeudi, de 19h à 21h, à l'amphithéâtre 1200 du pavillon Albert-Tessier. Donc, il y a voilà deux débats différents. Voilà. Mais est-ce que l'on parle malgré tout dans les deux cas des élections fédérales? En effet. On a toujours le reportage en actualité. C'est nouveau, par contre, déjà une transition de ce côté-là aussi. Je sais pas ce qui s'est passé. Après deux numéros, tout le monde a sacré son camp. On a perdu notre personne au reportage. C'est Lucas Hébert qui arrive pour prendre le relais. Et présent et à venir du stationnement universitaire. Oui, effectivement. À chaque année, c'est quelque chose, je crois, qui soulève les passions chez les étudiants. Le stationnement à l'université, le prix des vignettes, le tirage des vignettes, toujours très compliqué parce que parfois, même si on a l'argent pour acheter la vignette... On peut pas l'acheter parce qu'on n'a pas gagné le tirage. Donc, il se crée, puis ça, Lucas en parle dans son article, il se crée un marché noir des vignettes. Ah, ça se vend comme ça, un scalper? Oui, sur ce pâté de QTR, là. J'ai des vignettes à vendre. Pour vrai, ça? Oui. J'ai appris ça en lisant son article, comme quoi ça valait la peine de faire un reportage là-dessus. Absolument, et c'est un reportage assez dense. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Oui, c'est Lucas Hébert qu'on appellera dorénavant Lucas Hébert. Lucas Hébert. Il y a un nouveau programme de récupération des appareils électroniques qui m'intéresse pas mal. Ça s'appelle l'Electrobac. Qu'est-ce que c'est? L'électrobac, en fait, on a déjà vu ça, quelque chose dans le genre, dans les Sport Club Vidéotron, l'époque qui était le porte-parole de ce projet-là, Daniel Boucher. Le même concept se produit à l'UQTR où on va récupérer les vieux lecteurs MP3 ou les cellulaires, téléphones intelligents. Particulièrement les téléavertisseurs. C'est des bacs placés un peu partout sur le campus qui vont nous permettre de récupérer ces objets électroniques-là qui tombent rapidement désuets. Oui. Admettons-le avec la technologie qui avance rapidement de nos jours. Donc, plus que jamais. Exemple qu'on a un téléphone que l'écran a tout simplement comme... Pété, là. Ouais. On peut le ramener là. Ah. Ou cool. Parce que l'écran est pété, on peut pas. Ou tu peux changer ton écran avant de jeter électrobac. Mais effectivement, ça, je suis d'accord. C'est une manière de fonctionner. la génération du jetable, hein, Talia Baudin. Ah non, mais mon téléphone était mort pareil. Là. Ah, OK. Ah, c'est le tien. Okay. La recherche à l'UQTR maintenant, ça c'est Gwendoline Lebomain, notre nouvelle journaliste de cette session-ci. Identité du peuple québécois, clarté de l'identité sociale, comment les gens définissent leur groupe? Oui, exactement. En fait, Gwendoline ici a rencontré Stéphanie Gladu, qui est une ancienne chroniqueuse du Zone Campus, en fait, pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est effectivement ce qu'on m'a dit. Ouais. Qui est effectivement une ancienne chroniqueuse, mais aussi étudiante à la maîtrise en communication sociale, qui a décidé de s'attarder sur l'identité du peuple québécois, donc dans son mémoire de maîtrise, un sujet toujours assez intéressant à analyser, étant donné notre situation géopolitique. Qui lève les foules et les débats. Exactement. Ça, surtout dans ce numéro-là, je trouve, disons le campus. Ouverture du café Frida au centre-ville, un café à vocation culturelle. Je n'ai entendu parler de la part de quelques personnes. Ça a l'air vraiment cool. Qu'est-ce que c'est, le café Frida? Ouais, ben en fait, pour ceux qui savent où se situait le restaurant, le Dalton, le café Frida vient d'ouvrir ses portes dans cette bâtisse-là, qui était condamnée depuis quelques temps. En fait, c'est un café qui est, comme dit le titre, à vocation culturelle parce que Gabriel Lefebvre, le gérant, va organiser des spectacles. Ça va commencer le 29 octobre avec Big Brave. Puis vous pouvez également consommer là-bas un café d'une qualité probablement incomparable avec les autres cafés qu'on a. Ah, c'est le fun, ça! J'ai bien hâte d'essayer ça. Café ouais, Frida. On va y aller avec la chronique éditoriale. Tiens, on n'en parlera pas trop longtemps parce qu'on va recevoir Sébastien F. Gartin demain à l'émission, comme à chaque semaine. Donc, c'est Tolérance et discours irrationnel, le prix de la critique. Il parle d'un essai poétiquement intitulé « On Bullshit » dans le début de son article. J'ai hâte de voir ce que ça veut dire, mais on en parlera avec lui demain. Hein. Pas de problème. Ensuite, vous savez comment j'ai un coup de cœur à chaque fois pour Lauriane. Si elle m'entend, salé. Lauréate au prix Pythagore, les Pythagore 2015. Moi, j'aurais appelé ça les Pythagore, tant qu'à dire les prix Pythagore. Bon. Tout le monde n'est pas adepte du jeu de mots comme ça. Ouais, voilà. Si Lauréate aime ça. C'est ça. On va demander. Je sais pas si elle aime ça. Tu demandes, effectivement. C'est ça. Bref. Parle-nous des Pythagore 2015. Donc oui, le gala Pythagore 2015, on a remis un prix cette année à Laurie Hamel, comme tu viens de le dire, qui elle est une artiste de body painting dont vous avez peut-être déjà entendu parler parce qu'elle commence à avoir une renommée... Internationale, assez intéressante. Donc c'est presque étonnant. Souvent quand on lit ce genre de prix-là, quand on lit des articles là-dessus, c'est souvent des trucs plus locaux. Mais dans le cas présent, non, on parle vraiment d'un artiste international qui a, par exemple, travaillé sur le maquillage et du body painting dans le film Immortals. Je sais pas si ça dit quelque chose à nos auditeurs. Un peu, hein, ouais. Ça. Ouais, c'est le, dans le fond, même réalisateur, je crois, que le film 300, film avec Leonidas, qui est devenu sujet à beaucoup de blagues sur Internet. Oui, oui. Donc voilà, également gagné première place lors du New Zealand Body of Arts Awards. Donc, on voit que c'est un artiste qui a une renommée assez intéressante. Ouais. Hein. Faudrait l'avoir en entrevue. Je pourrais lui pour avouer que mes, tu puisses te faire... C'est ça. L'actualité démystifie. Prochaine chronique, c'est celle de Marie-Odile Richard, qui nous raconte l'histoire sans fin. Oui, donc un peu comme l'éditorial dont on n'a pas parlé de M. Guertin. Mm-hmm. Marie-Odile va s'attarder sur un sujet assez chaud de l'heure, c'est-à-dire le port d'une cab. En fait, ce qu'on pourrait dire un peu comme le découlement de ce qu'étaient les accommodements raisonnables. Ouais. Donc, on sait que c'est un sujet qui a fait beaucoup changer les sondages dans la dernière, dans les dernières semaines de la campagne électorale. Donc, j'ose croire que Marie-Odile pensait que c'était important d'en discuter dans le journal, et on est également d'accord avec elle, puisqu'on l'a publié. Voilà. C'est la job de rédacteur en chef. Exactement. En société, on a toujours quatre articles. On commence avec Entre les deux pôles de M. Kevin Gaudreau. La nostalgie, retour vers le futur. Oui, article très intéressant, en fait, qui va analyser. Donc, Kevin, en passant, est un étudiant en psychologie. Puis, dans son article, il va analyser le trait de la nostalgie. Donc, qui est quelque chose dont tout le monde souffre un peu. Puis, évidemment, on trouve tout que ça a de quoi de positif comme de quoi de négatif. Puis, c'est justement là-dessus que s'attarde Kevin Gaudreau pour nous montrer qu'est-ce que c'est vraiment la nostalgie, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on vit la nostalgie. Mmh. Est-ce que les filles vivent plus la nostalgie que les gars? Moi, je pense qu'ils ne la vivent pas de la même manière. Oui, sûrement. On devient dépressif pour rien. C'est plus ça. Bon, OK, tranche de vie. Hein. Normand Leclerc de l'Université du Troisième Âge et sa chronique « Qu'est-ce qu'un être humain » nous parle d'un athée? Oui, un athée, point d'interrogation. Il va tout simplement, dans le fond, nous poser des questions face à l'athéisme dans notre société moderne. Qu'est-ce que ça apporte d'être athée aujourd'hui? Et prend une prise de position, je vous dirais, plus du côté des athées, effectivement, pour montrer que être croyant aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu dépassé. Ah, mais j'aime ça! Mais seulement, c'est l'opinion de M. Normand Leclerc. Donc, ben d'accord, ça, c'est mon opinion personnelle à moi. J'engage personne d'autre dans l'équipe dans mon opinion. Christina Monfait-Fortin, l'art de monter le mayonnaise et autres propos comestibles. Son titre, c'est « S'emparer de sa ville ». Oui, exactement. Très intéressant comme article. Elle nous amène à penser, dans ce numéro, à qu'est-ce qui se passe avec la collectivité, avec la consommation locale. Donc, on sait que c'était quelque chose qui était très à mode dans les années 60, que d'avoir son propre jardin ou un jardin collectif. C'est d'ailleurs sur quoi elle s'attarde dans cet article. Par contre, où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça en Mauricie? Donc, c'est la question que Christina Monfait-Fortin se pose et elle nous donne une réponse en nous parlant de quelques endroits où on peut retrouver des jardins collectifs tels que ceci. C'est quand même redevenu populaire grâce à Pinterest et Internet. Un petit peu, oui. C'est une espèce de mode esthétique. Mais, voilà. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que ça a quelque chose de négatif, qu'on revienne à la collectivité. Sûr. Absolument pas, absolument pas. Et pour terminer, Jean-François Veilleux et Je me souviens au pouvoir citoyen, perspective et bilan de cette 42e élection fédérale. Donc, effectivement, Jean-François qui, une fois de plus, nous parle de politique. Toujours intéressant ce qu'il a à dire de ce côté-là. Dans son article, il va s'attarder sur chacun des partis politiques qui sont dans la course aux élections. Aux élections fédérales, merci. Ça fait plaisir. En incluant le Parti vert, souvent qu'on tend à oublier dans certains débats. Oui, on n'aimera pas lequel à quel poste. mais donc, Jean-François nous fait un résumé un peu des idées de chacun des partis. Ça peut être très intéressant à la veille du vote de lire cet article qui pourrait vous permettre de vous aligner un petit peu si vous avez quelques doutes. Oui, voilà. On a la section loisirs, comme toujours, avec Alexandre Laramezouiki, son illustration Vie de campus, qui nous fait un petit poème sur la fable de la fontaine, comme une fontaine d'eau. Et on a aussi les jeux, comme toujours, sur Docu Mots croisés et Mots mystères. On passe en art et spectacle et on débute avec Bernard Adamus à l'embuscade. Premier arrivé, premier servi. Mais Bernard Adamus, qui était de passage à Trois-Rivières le 30 septembre dernier, ainsi que le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Donc, notre journaliste, Alicia Lemieux, a couvert le premier spectacle. J'étais là également, spectacle avec une énergie assez débordante. Donc, l'embuscade, pour ceux qui savent c'est quoi, c'est pas un café, café-bar qui est très grand, assez facile à remplir. L'ambiance était vraiment au rendez-vous ce soir-là. Bernard Adamus a donné. C'était le deuxième, je tiens à dire que c'était le deuxième spectacle de sa tournée. Donc, il commençait à s'habituer. C'était un peu comme si on veut du rodage, mais sincèrement, il était avec des musiciens assez professionnels. Le claviériste qui jouait avec lui ce soir-là a joué avec Galaxy là, au show de la rentrée. Ça peut vous donner une idée. Wow. Donc, un excellent claviériste. Puis, sincèrement, rien à dire de ce spectacle-là. C'était fort intéressant. Génial. On parle d'improvisation. La Luître, une saison qui promet. Oui, effectivement, avec premièrement des nouveaux joueurs qu'on a pu apprendre à connaître dans l'arène lors de la dernière... dans le fond, pas hier, mais plutôt la semaine dernière. La semaine passée, ouais. Exactement. Des recrues fort intéressantes, également des joueurs qu'on a déjà pu voir, incluant Nadia Tranche-Montagne, Alexandre Arnezouki, qui nous ont donné une soirée haute en couleur. Pardon? Des gens du Zone Campus. Oui, des gens du journal, effectivement. C'est des gens impliqués qui ne doivent pas dormir beaucoup. Non, certainement pas. Et on va parler d'improvisation aussi tantôt avec Gabriel Béot des Sacralés de la Lutte qui s'en vient à 9h. Voilà. Les Mardis Live du Grand Brinus, il y avait un spectacle des God Mashup récemment. Oui, effectivement, donc ça s'est déjà déroulé. Les God Mashup, qui est un spectacle toujours intéressant à couvrir, assez festif, au même titre que Bernard Adamus. Je trouve que ce numéro-là de journal se tient assez bien musicalement, parce que on sort pas de la même zone avec Bernard Adamus et les God Mashup, qui nous ont apporté un spectacle haut en couleur au Gambrinus, qui ont fait lever le party pas mal. Chanson à la maison, Francis Brisson. Une boîte à chansons, c'est comme une maison avec Marie-Christine Perra. Donc oui, Marie-Christine qui couvre majoritairement des événements normalement de poésie ainsi que des vernissages d'art plastique. Cette fois-ci, couvre un événement davantage axé sur la chanson, organisé par Patricia Powers, qu'on connaît ici à l'UQTR. Prof à l'UQTR, oui. Exactement, qui organise souvent des événements de poésie également au courant de l'année, notamment les Voix d'Avril. Cette fois-ci, Marie-Christine a couvert l'événement parce qu'il y avait malgré tout un lien avec la poésie, spectacle où on pouvait voir Gilles Hamelin ainsi que Fabiola Toupin interpréter des chansons issues d'un répertoire de musique assez large. Fort intéressant. Oui, on parle ensuite des chroniques, tiens, pourquoi pas. On va commencer avec la tienne, Louis-Philippe Quentin. Allons-y. Perception de lunatique, le stéréotypage d'une culture pas si essoufflée qu'il... Qu'il le croit, qu'il en italique. C'est ça, c'est important de dire. Oui, en fait, dans cette chronique-là, je me pose une question. En fait, je réfléchis tout haut plutôt sur la culture de la musique francophone. Donc, je sais qu'ici, assez fou. On n'a pas ce problème-là. Mais la non. musique francophone joue en masse, puis la musique francophone de qualité. La bonne, ben oui. Voilà. Ouais, surtout l'assemblage Ricky. Ben oui, on a du coup. Ben oui. Sauf que souvent, et j'ose croire que vous serez d'accord avec moi, on entend souvent des commentaires venant de des gens très éduqués, autant que d'un peuple un peu moins éduqué, mais ça vient vraiment de tout le monde, ce commentaire-là, comme quoi la musique francophone ne leur plaît pas. Mm-hmm. Ouais. Puis souvent, on tend à avoir de la difficulté à entendre leur opinion face à la chose, savoir pourquoi est-ce que ça leur plaît pas. Il y a tellement de styles dans la musique francophone. Ouais. Tu peux pas dire que la musique francophone est un style. Est un style, exactement. Mais souvent, c'est ça qui revient. Ah, ouais. J'aime pas le francophone, mais il y a un monde entre Bernard Adamus, dont on parlait tout à l'heure, et Galaxy ou Carquois ou Philippe Braque. Tu sais que t'aimes pas un style de musique, mettons le folk ou quelque chose comme ça. Ouais, et exact. Le folk francophone principalement, t'as le droit exact. De dire ça. Mais souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est le chant en français qui n'est pas apprécié. Mais ça, tu vois, je comprends pas parce que les gens, s'il y a quelque chose qu'ils aiment en auto, c'est de pouvoir chanter ses paroles. En anglais, ils vont chanter ses hits du top 40 des radios commerciales, sans cesse. En français, s'il y a de quoi que tu peux chanter, c'est bien quelque chose que tu comprends, non? Exactement. Mais parfois, je me souviens pas si j'en parle précisément comme ça dans ma chronique, mais. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de voir que peut-être que les gens sont malaisés de comprendre. Ah oui, peut-être. Tu malaisés de réfléchir aux paroles. C'est vrai. Ça peut être une espèce, c'est un malaise qu'on a peut-être par rapport à notre langue. Mm-hmm. En tout cas, c'est la question que je me pose dans ma chronique. J'ose espérer qu'elle vous plaira. Si t'en parles vraiment dans ta chronique. Moi, si j'en parle, ben tu sais, je vais dans ces eaux-là, disons. Ouais, ouais, OK. Quelque chose qui peut-être va toucher autant les gens, la littérature francophone, c'est la prochaine chronique, c'est Mange l'IM de Camille Durand-Plour, de l'écran au réel. Effectivement, je tiens à dire que c'est la dernière chronique. Arrête donc! De Camille dans le numéro, effectivement. C'est ça de même, toi, là. Bing, après bang, des gens ça. Qui quittent après deux numéros, là, c'est rendu la nouvelle mode de quitter après trois numéros, c'est ouais, quoi, exactement, ça? Mais il faut savoir que Camille était malgré tout au sein du journal dans les numéros de l'année dernière. C'est vrai. Mais ouais, c'est sa dernière chronique. Elle va nous parler du livre « Ma vie rouge Kubrick » de Simon Roy, qui est un livre qui s'inspire, en fait, de « The Shining ». Ah oui? De Kubrick, oui. Mais sans nécessairement, c'est pas une réutilisation du personnage, c'est une réutilisation du concept, une réutilisation de l'essence de l'œuvre. Donc, oui, fort intéressant comme chronique. C'est probablement un livre qu'en lisant la chronique, vous allez avoir le goût de lire. Du moins, c'est ce que ça m'a donné le goût de faire. Génial. Mange l'IM. Donc, elle le dit pas dans sa chronique que c'est sa dernière, hein? Non, elle le dit pas parce que je pense qu'elle le savait pas. Ah, elle a décidé ça plus tard, malgré tout. Je suis passée. Là, j'étais là, malaise. C'est les nouveaux rédacteurs en chef qui l'ont sacré. Non, c'est pas ça qui est arrivé. Ah. Et malgré tout, sachez qu'on vous a trouvé une remplaçante tout aussi compétente. Ah, ben, j'ai bien hâte de voir ce sera qui. Est-ce que je la connais? Je crois pas que tu la connais. Non, bon. Pas grave, on va passer à une autre chroniqueuse que, elle, je connais. Hein? Mm-hmm. C'est Michèle Robitaille. La petite ténébreuse, c'est son titre. En fait, c'est son titre de chronique. Et elle nous parle de crimes contre l'humanité, la crise d'octobre. Oui, la crise d'octobre, donc événement fort triste qui s'est déroulé en 1970 au Québec. On n'en parle jamais trop de cet événement-là, en fait. Donc, c'est très intéressant que... Michel nous en parle à nouveau, étant donné qu'on arrive au mois d'octobre. Donc, évidemment, elle nous fait un résumé de la chose, nous explique c'est quoi le FLQ, va nous expliquer qu'est-ce qui s'est déroulé lors de la loi des mesures de guerre, les arrestations qu'il y a eu, etc., etc. Donc, elle nous fait un résumé d'un événement dont il est important de parler à chaque année au Québec. Dans un tout autre ordre d'idées, mais vraiment beaucoup, c'est le deuxième album de June in the Fields qui avait lieu le lancement au temps d'une peinte récemment. Oui, c'est un duo folk assez connu, je vous dirais, en Mauricie, par le fait que Mélissa Brouillette est originaire de la région, en mm-hmm. fait. Donc, ils faisaient leur lancement au temps d'une pinte. Probablement qu'il y a certains des auditeurs qui ont été au spectacle. L'entrée était gratuite. Semblait-il que c'était fort émotif comme performance. Donc, c'est un duo qui travaille beaucoup sur l'émotion dans ses chansons. Duo voix-voix-guitare. Donc, vraiment quelque chose de très minimaliste. Semble-t-il que c'était vraiment, vraiment agréable. C'est charmant. C'est voilà, charmant, c'est le mot. Voilà. Danny Placard, qui était au Centre culturel Pauline Julien, aussi, récemment. Oui, couvert par un de nos nouveaux journalistes, du nom de Philippe. Il était à voir Danny Placard, artiste qui vient du Lac-Saint-Jean, qui nous présentait son plus récent opus, Santa Maria. Un spectacle dont on m'a dit que le party a levé à mesure que le spectacle avançait. Mmh. Malgré le peu de gens qu'il y avait, Danny Placard a su vendre sa salade relativement bien. Au moins. Voilà. Allez, on termine en sport. Natation, une année de transition pour les Patriotes. Oui, effectivement. Donc, Louis-Philippe Carbonneau va nous parler... va nous parler des Patriotes en natation, d'Alex Gélina, qui sera un des rares vétérans de retour avec l'équipe cette saison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans l'équipe. C'est donc ça que vous pourrez constater en lisant l'article. Mm-hmm. De crosse au champ, ensuite, de la natation, crosse au champ, à la crosse au champ, qu'il faut dire. Trois-Rivières trône au sommet. Oui, effectivement, donc ça va bien de ce côté-là. Et Trois-Rivières est en train de s'emparer seul de la tête du classement le 18 octobre prochain. À Drummondville. Beaucoup d'espoir en ce qui a trait aux joueurs de lacrosse de l'UQTR. Hey, on passe de lacrosse au cross-country. Quelqu'un a l'esprit ouais. croche là-dedans? Ah, ben ouais, nos Patriotes sont les plaines d'Abraham. Oui, donc ils vont nous parler de la compétition de cross-country qu'il y a eu sur les plaines d'Abraham. Grosse compétition avec un style très relevé où nos athlètes se sont illustrés, par exemple Marc-Antoine Senville. Qui est arrivé 37e et 23e au circuit RSEQ. Donc, pour la quantité de gens qui participent à ça, c'est donc une position très intéressante. Ouais. On passe, c'est au badminton, ça. Compétition par équipe mixte. Les Pats envoient un sérieux message. Oui, les Pats envoient un sérieux message, effectivement, avec une victoire simple et en double. Vincent Grossier-Dénommé s'est distingué. des siens lors du premier tournoi de la saison, effectivement. C'est des joueurs qui ont fort bien performé et qui nous ont bien représentés en ce qui a trait au badminton. Mm-hmm. En hockey universitaire masculin, maintenant place à la saison régulière. Ouais, après un tournoi préparatoire en France et quatre parties hors concours, dont une rencontre face au Blizzard de Trois-Rivières, les Patriotes sont maintenant prêts pour le début de leur saison régulière des sports universitaires en Ontario le 9 octobre. Et on termine en golf. Les Patriotes qui ratent leur qualification. Il n'y a eu que des bonnes nouvelles presque depuis le début des sports. Tantôt, c'est comme ils gagnent des affaires. Ouais, c'est ça. Là, on peut pas, on peut pas être content de même tout le long. On va pas faire semblant. Hein? Et non, ça, malheureusement, ça s'est pas si bien déroulé que ça pour les Patriotes au golf qui n'ont pas réussi à se qualifier pour continuer de jouer cette saison. Dommage. Point, point. Point, point, point. Voilà, c'est tout pour le Zone Campus. Volume 11, numéro 3. C'est en quillage que depuis tout à l'heure, juste après l'émission, dans le coin de 10h30-11h. D'habitude, on reçoit le journal, on commence à distribuer ça. Exactement. Et ça va être en quillage jusqu'au 19 octobre. Le blog est sur zonecampus.ca. Le rédacteur adjoint est Louis-Philippe Quentin et Alexandra Lemire l'accompagne. Et on va la rencontrer dans les prochaines semaines, je l'espère bien aussi. Mais heureux de t'avoir rencontré toi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Merci. On te retrouve dans deux semaines pour une autre chronique Zone Campus. Yes. C'est les mardis aux deux semaines à 8h30. Bonne journée à toi. Toujours assemblage requis. Dans quelques instants, c'est Gabriel Béhoud qui va prendre la place sur cette chaise. Mais si je ne m'abuse, tout d'abord, on va aller écouter du... on en a parlé, c'est pas Galaxy? Oh oui, tiens, écoutons du Galaxy, parce que tantôt, Louis-Philippe en a parlé, il avait dit que quelqu'un avait joué avec Galaxy, donc on écoute ça. Et leur nouvelle pièce du palmarès francophone, voici Portugal au 89 FM, c'est fou! Galaxy, la pièce Portugal sur leur album Zulu, c'est un nouvel extrait du palmarès francophone. Au retour, Gabriel Béhoud est dans les coulisses à la huître. On reste à tous à l'écoute. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez pour l'écouter. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mardi 6 octobre 2015 avec Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Bien sûr, qui d'autre? Ben, à ma gauche, il y a beaucoup de gens, en fait. Ah. On a comme un public en studio aujourd'hui, Caméra 3. Caméra 3 qui peut voir Louis-Philippe qui est resté avec nous un petit peu pour juste jaser en ronde. Mais celui qui est avec nous en onde, c'est deux personnes, mais en même temps, une seule. Vous reconnaissez la voix? Vous reconnaissez la voix? Oui. C'est celle de Gabriel Béhoud. Oui. Que voici avec Dans les coulisses de la huître. Ça, c'est un featuring, on dirait, de son frère Gabriel Boutantrain-Houd. Oui. C'est ça l'affaire, parce qu'on l'a en studio avec nous, Gabriel Boutantrain-Houd et Gabriel Béhoud. Salut, ça va bien? Je vous l'avais dit que les deux pouvaient être à la même place. Ah en ouais, même on temps. A les deux? Ouf. Il veut pas parler en nom, mais je suis sûr que si on essaye de le convaincre, Gabriel Boutantrain-Houd, dis-nous bonjour. Allô? Oh, wow. C'est incroyable! Mais Gabriel Béhoud, tout court. Oui, oui. L'original, ça. Oui, the one and only. The one and only, the best that I can get. Kiss, c'est ça? Yes. C'est une toune de Kiss. Non, mais ils disent tout le temps ça au début des tounes. C'est vrai, son rock. You wanted the best, you got the best, the hottest band in the world, Kiss. C'est ça. Ah ouais? Ouais, tout le temps. Ah, oh, wow. Mais pas avec chaque tune, ce serait un peu lourd. Hein. Ce serait long, hein, 1h30 de. T'entends ça 50 fois. Hein. Ça serait drôle si c'était aussi le slogan de genre les Hershey's Kisses. Hein, ouais. Ça, c'est loin d'être le best. Ça goûte la cire. C'est là, le pire chocolat. Dégueulasse. Mais ça. Mais bon, d'habitude, les sujets inappropriés, on les garde pour la fin. Ah, mais Mathieu... Mais en temps normal, ils pondent, mettons, dans la chronique ouais, à n'importe où. Ça, d'habitude, ça va... C'est comme un lapin de Pâques qui chie les petits pâques. Ouais. Pareil. Pareil, hein. Bref, parlons d'impro. Oui. Quelques instants. Il y avait un match des Verts contre les Bleus hier. C'était, comme je l'ai dit sur Facebook, là, éblouissant. Ouais. Et vertigineux, non, c'est quoi l'autre mot? Je m'en rappelle plus. En tout cas, bref. Ça va pas bien? Ouais, c'était des gags là, incroyables. D'une qualité irréprochable. Douteuse. En tout cas. Donc, Vert contre Bleu, hier, le premier vrai match qui comptait, en fait. Oui, en effet, c'était le premier match de la saison régulière, Mathieu. Mm-hmm. Et puis, les Verts ont remporté 8-4. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ça a été un très bon match des deux côtés. Là, on a eu droit à des impros très relevés. Notamment, un nouveau style d'impro. Oui, la nouvelle impro littéraire. Oui, hein. Très cool. Dans le fond, ça s'accompagne aussi d'un prix particulier où on fait tirer le livre dont est tiré l'extrait. Exactement. Dans le fond, on reçoit deux livres grâce à la Société Saint-Jean-Baptiste et la librairie Poirier. Mm-hmm. On reçoit deux copies de chaque livre et il y en a une qui va être pour la bibliothèque de la Luître. Oui. Donc, la Luître va avoir sa propre bibliothèque à quelque part dans l'université. Exact. Donc, pour inspirer aussi dans le fond, les thèmes là, des arbitres. C'est vraiment cool de s'inspirer justement d'œuvres littéraires et compagnie. Tout à fait. Et l'autre copie, il est tiré dans le public. C'est en même temps ça. Que des pichets de bière. Deux pichets de bière puis un livre. À un moment donné, c'est pas mal de prix. Aïe, c'est gratuit, là, venez là. Tu sais. Aïe, il ambitionne quelque part, là. T'imagines, tu te ramasses avec les deux pichets puis le livre. Hey, les chances sont faites parce ça que... Ça perd les popettes. Le billet est jeté après le premier concours, espèce de menteur! Ouais, mais... Ça peut pas arriver, menteur. Tu peux pas en acheter d'autres? Ah, t'achètes pas les billets, c'est gratuit! Hey, mais qu'est-ce que t'écoutes pas? Tu peux prendre celui de ton ami. Ah, oh, ça c'est vrai, par exemple. Quelqu'un qui aimerait pas la lecture, quelqu'un qui sait pas les... Ouais, mais... Celui mais... qui est dyslexique des chiffres. Oui. Tu y voles son billet. La dyscalculie, ça s'appelle. Oui, hey! On cherche le mot. Wow! C'est un vrai... C'est un... Ouais, je sais. Une vraie maladie. On pense que Matt en souffre. Ouais. Ah ouais? Ben, je pense que oui, parce que tantôt, j'ai lu sur la couverture de Zone Campus, j'ai lu 5 genre. Quelque chose comme ça. C'est clairement 52 500. Tu pourrais avoir plein de bourses hein, au SAE. Là. Ah ouais? Vu que t'es souffre de dyscalculie. On va m'inscrire un cours. Gagner le jackpot. Non, il va même plus à l'école. Un cours de maths. Cours de maths? Oui. Okay. Inscris-toi en maths avec la dyscalculie. On part-tu à un autre sujet? Hey, Mathieu, j'avais préparé une petite chronique. Je sais pas si... Ah ouais, tu penses qu'on va retourner à l'impro de même? Ouais, ouais. Okay. Why not? Non, mais pour vrai. Hein? Je trouve que t'es pas mal ingrat, on dirait un gars de la génération Y. Ah, c'est pas ça. Ça commence pas le débat des générations. Va détruire le studio. OK, donc Gabriel Boutantrain-Hout, qu'on a aussi en studio pour prouver que c'est pas la même personne que Gabriel Béhout, présente-nous la prochaine chronique qu'on s'en entend. C'est une chronique. C'est à peu près ça, là. C'est tout là. Ce qu'il dit, hein? Oui, oui. Il dit deux mots, tout le temps. Bon. Ben, deux mots, c'est une chronique. Moi aussi, je souffre de disque cuit. Hey, chut, on écoute ça. Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Bonsoir et bienvenue à lundi soir le matin. La seule émission qui parle de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. C'est vraiment la seule. Il n'y a pas d'autre émission là-dessus. Ben, pas encore. En tout cas, moi, c'est Gabriel Béhoud. Et je vous souhaite un excellent match d'hier à matin, le lundi à 20h, le mardi à 9h, avec Michael G. Fox. Bon match. Face à face. Je suis dans le meilleur endroit pour commettre des crimes, le sous-sol du 10-12, avec Vincent Rainville, le capitaine de l'équipe des Bleus. Vincent, lorsque tu as fait ton équipe, qu'est-ce que tu avais en tête? Juste être meilleur que les autres capitaines. C'est pour ça que tu as choisi des joueurs meilleurs que toi. Exactement, et aussi que les autres capitaines. Donc, tu penses que tes joueurs sont meilleurs que tout le monde, mais quel de tes joueurs est le meilleur? Celui que tu vois pas venir puis qui te pogne par en arrière. Ah! C'est spécial qu'on parle de ça dans le sous-sol du 10-12. Pour les gens qui ont jamais vu ça, c'est plein de chaînes puis de murs en contreplaqué. Vincent, comment t'apprendre ton premier match de la saison régulière? Écoute, c'est sûr que les équipes se connaissent pas encore beaucoup, fait que je pense qu'on va être capable de créer des brèches facilement chez les rangs adverses pour les déstabiliser au maximum. Et puis, au sujet de la capitaine Tranchemontagne, comment tu penses faire pour la tuer? Pas littéralement, là, parce que là, sinon, tu pourrais être dans la merde. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui décroche assez facilement. Fait que je pense que je vais juste la fixer dans les yeux pendant 45 secondes, sa première impro. Ça, je pense que ça va la sortir de sa game. J'ai hâte de voir ça. Merci, Vincent, et bonne saison. Merci, à toi aussi. Face à face. Je suis avec Nadia Tranchemontagne, la capitaine de l'équipe des Vertes pour la saison 2015-2016. Nadia. Oui. Comment as-tu formé ton équipe? Avec des joueurs, principalement, je dirais, ça allait mieux. Ça a été difficile. Disons qu'il y a eu des combats de griffes qui se sont faits, mais au final, mes attributs féminins m'ont permis d'avoir les choix que je désirais. Parmi les choix que tu désirais, lesquels tu désirais pas? Ça, c'est une question difficile à répondre. Au final, après réflexion, je dirais l'entièreté de mon équipe qui a une chimie un peu folle, mais je pense qu'on va faire des bons matchs. Ouais, mais disons que c'est une expérience. Là, c'est une expérience. Parlant de bons matchs, comment penses-tu que ton match de ce soir va être un bon match de ce soir? Ben, je pense que ce soir, en parlant de ce soir, ça va être un bon match, principalement parce que oui, nous sommes le soir. Puis deuxièmement, ben, parce qu'on a eu un seul point la semaine dernière, donc on a un objectif très bas de faire deux points ce soir. Je pense qu'on peut y arriver. Je crois en mon équipe. Je vous le souhaite, Mme Tranchemontagne, et vous souhaite aussi une excellente saison 2015-2016. Mais merci beaucoup. Alors, je suis avec l'étoile de l'arbitre, la magnifique, l'indésirable Vanessa Fortier. Vanessa, comment qualifierais-tu ton match en une couleur, un aliment et puis un son? Gris-vert foncé. Macaroni au fromage. Et pour le son, je dirais... OK. Et puis maintenant, Vanessa, est-ce que t'es contente dans la défaite? Oh oui! Et puis qu'est-ce que tu vas faire demain, mardi, demain comme aujourd'hui, mais pas demain comme là? Maman veut pas que je le dise à la radio. Merci, Vanessa. Merci, Paul. Merci, merci à toi. Merci, merci à tout le monde. Merci. Merci. C'est pas ce qui m'arrive. On dirait que le monde est en train de changer. Mais si peut-être je perds les idées, je suis pas devenu celui que j'étais. Ah! Hey, hein? Ça, là, nos faces disaient tout pendant la dernière section de la chronique. Là. Oh oui! C'était intense, là. Hey, chingé. Du nez? Oui. Ouais. Des oreilles aussi. Vanessa, Fortier, quel étrange personnage! Ah oui! Même chose pour l'intervieweur qu'on a présenté tantôt, Gabriel Portrayoud, qu'on a avec nous en studio encore une fois, qui dit pas grand-chose. Non, non. On garde juste Gabriel Beaud, Original Edition Size. Yes. One Size Fits All. L'album. L'album de Frank Zappa. Oui, très bon album, soit dit en passant. OK. Pareil. On n'a pas aussi l'esprit croche, toi et moi. Ah non? Non, parce que moi, One Size Fits All, c'est une question de membre, de tribu. Comme Nadia Transmontagne qui parlait de ses attributs féminins. Oui. À la radio. Oui. Cas. Le matin. Le matin. Oh oui. Le mardi. Oh oui. 9h. Oh oui, certainement. Ouais. Donc, le match d'hier, vert contre bleu, t'as dit que les verts ont gagné. 8 à 4, oui. 8 à 4. Mais sinon, c'est un très bon match. Le public était particulièrement présent, encore une fois. Ça va en montant sans cesse. C'est trippant raide. Je tiens à remercier en ma personne et en la personne de la Luître, ce qui est une personne morale, là, comme dans les entreprises. Tout à fait, oui. Dans le fond, j'aimerais remercier le public de la Chasse-Galerie de se présenter à chaque lundi soir. C'est vraiment le fun qu'il y ait une aussi grande foule parce que ça donne beaucoup de drive aux improvisateurs. Tellement. Imagine si c'était pas gratuit puis que les gens payaient, on pourrait se payer une extension de la chasse pour mettre plus de public dedans. Hey, ce serait fou. Moi, je descendrais au Canada le lundi puis je passerais le reste de la semaine dans les Bermudes. Si c'était payant. C'est pas des farces, ça. T'as des beaux plans? Ben, il y a 2500 personnes à tous les lundis. Ça fait que, fais le calcul, 2500 fois 20$ le billet. Je fais de la nage. Oh, j'avais oublié. La nage quelque chose. Ça fait beaucoup de bidous. Donc ça, c'était le match d'hier. Il y a un match qui s'en vient la semaine prochaine. Oui. Tu es au courant que ça continue? Non, pas la semaine prochaine. Non. Je dis oui, mais non, dans le fond. Là. T'es en train de m'encourager dans mes mensonges, toi, là. Oui, mais non. T'es pas correct. La semaine prochaine, c'est l'action grasse. On célèbre encore ça, apparemment. Oui. Moi, je vais la célébrer pour vrai. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, en fait. Je m'en vais chez des amis à Montréal. OK. L'an dernier, on a mangé un rôti avec plein de bonne nourriture. Et puis, j'ai tenu à célébrer une cérémonie. Wow. On a remercié Dieu pour une chose qu'on trouvait cool. Et une chose qu'on l'a comme envoyé paître. Pour une chose qu'on aimait vraiment pas dans la vie. Là, tu me diras pas, c'est quoi les affaires? Moi, l'affaire qui est... Je pense que j'avais envoyé peut-être pour la nourriture qui refroidit, parce que ça gosse. Oh. Puis les gens qui dépassent dans des fils, là. Ces gens-là, là, j'ai zaï. Ben voyons donc. Est-ce qu'on peut inclure à cette catégorie, tu sais, des gens qui dépassent dans les fils, ceux qui passent à la droite pour couper à gauche? C'est la même chose. Dos, c'est pas mal le même genre de personnes exécrables. Ça, là, ça mérite de se faire battre. Oui. Bon. Vous êtes haineux ce matin. Vous êtes à Radio X. Les cyclistes, là, on va se le dire. Les cyclistes. Donc, congé le 12. Oui, oui, parce que les gens vont célébrer en remerciant et en envoyant paître Dieu. C'est ça. Après ça, on revient pour un match. Oui, le 19. Rouge contre orange, le 19. Oui, oui, ça va être un très fort match. Exactement. Après ça, un autre congé, mais c'est une feutre. Aïe, aïe, aïe, toujours. Une fois rendu en novembre, ça n'arrêtera plus bien. Non, le novembre, là, c'est pas mal le novembre de tous les temps. Le novembre de Forever and Ever. Je me rappelle, l'an dernier, j'avais joué tout le mois. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est vrai. T'es dans quelle équipe, toi, les Rouges? Capitaine des Rouges. Capitaine des Rouges. Tu vas jouer deux fois en novembre. Ouh. Les Oranges vont jouer trois fois en novembre. Ça, c'est un gros mois, ça. C'est le fun d'avoir le calendrier à l'avance qui est disponible sur le site de... Ouais, ouais. UQTA.ca/impro. C'est en plein, ça. Oubliez pas les 3W sur certains ordinateurs, ça marche pas si tu mets pas W. Le HTTP, ouais. Deux points. Baroblique. HTTPS. Non, il n'est pas sécurisé, là, site. Ah. Il n'est même pas sécurisé. Il n'est pas sécurisé. Mais pourquoi? Tu n'as même pas de transaction à faire dessus. On va sécuriser le site pour rien. Ben là. Ben là. Ben Facebook est sécurisé. Ouais, mais il y a des informations financières qui peuvent s'envoyer, des enfants de même. Tu sais? Hey, là, hein? Parce que moi, j'aimerais ça que ça soit sécurisé. Ben, essaye. Sécurise-le. Je vais appeler, comment elle s'appelle, là? Gazali. C'est ça. C'est même plus là, en plus. Là, Madame Gazali, là. Je travaille plus pour le temps. Hey! Tu m'écoutes pas! C'est ce que tu penses! C'est ça. Aide-moi! Parce que t'as quand même le salaire. T'as quand... Non, elle a refusé le salaire, ça a l'air. Parle-moi de ça. Elle a pas le salaire de prof? Ouais, salaire de prof, hein. Ouais, mais ça. Pas payé pour aider pour les sites internet, là, si salaire de prof. Hey! Les gens scandent la manifestation. Il y a des profs qui aident de prof. À n'importe quoi. C'est vrai, on peut pas leur. On peut pas forcer à pas le faire. Hein? Ouais. C'est ça? Pour ou contre les profs? Les cyclistes, puis là. Moi, je suis pour les profs cyclistes, mais contre les profs automobilistes. Oh, attends un peu, là. Ouais, oh, ouais. On se lance dans un gros débat. Là, c'est du débat, même. Là, tu mélanges, c'est comme les Doritos Collision avec mais Guacamole ouais. Et l'autre. C'est drôle que tu parles de ça, Doritos Collision, alors qu'on parle de véhicules et de cyclistes. Ben, c'est juste des collisions. C'est comme les cyclistes, il y a des collisions avec des chars, là. T'as-tu compris? Je suis pas, là. Tu suis pas, ça. Ouais, c'est la grippe à matin. Ça doit être ça. Ouais, ouais. C'est grave, cette grippe-là, pareil. C'est une grippe d'homme. Je souhaite ça à personne. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir 103 ans depuis 5 jours, là. Ah, ouais. Hey, justement, merci d'avoir été là. On passe à la chronique éditoriale parce qu'on a Étienne Forêt. Oui. Qui a un éditorial à nous faire. Assez ouais. Fou. C'est du chronique régulière. J'ai 30 secondes, mais c'est... Attends, parce que c'était pas fini ta chronique. C'était deux, deux secondes. C'est juste une joke. Parce que je voudrais féliciter en ma personne personnelle. Vincent Gauthier dénommé, surnommé Finch, pour sa belle victoire. Moi et ta mère, nous sommes fiers, Vincent. C'est tout. Wow. OK. OK. Non, est-ce que je... Mais il a gagné quoi? Ça gâche tout. Le badminton. Ah, oh, il a gagné au badminton. Ah, mais oui, mais le badminton, c'est un sport qui est sous-estimé, ça. Sous-estimé? Sous-estimé. Ouais, là, je sais pas si je devrais me lancer dans ce genre c'est de... C'est un autre débat. C'est un autre parce genre que là, de débat. Tu viens de dire que le badminton est un sport sous-estimé. Ouais, ouais. Pas tellement d'accord. OK. C'est un sport surestimé ou c'est un sport juste estimé quand même? C'est un sport, mettons. Est-ce que c'est est-ce vraiment que un c'est... sport? Ben, hey, tu peux courir en tabarouette après le moineau. Là. Ouais. Mais tu sais... Ce que tu fais régulièrement, courir après le moineau, c'est ça, Tania? Hey, as-tu dit ça? Hey, Mathieu, on est mardi matin, là. On est juste mardi matin. On va être l'émission alternative, disons. Ils viennent de dire ça en ondes, à la grand, radio. Pareil, hein? Ça a perdu le popette. Oh boy, hein? Oh. Quoi? Quoi? On parlera pas de ta moineau. De ma moineau? Ma moineau, c'est un gars viril. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, je vais vous dire bye, mes petits canaris préférés. Hey, merci. Et je vais vous souhaiter une très belle journée. T'es fin, Gabéoud. Merci d'être toi et d'exister. OK? Good. Nous, on va finir l'émission là-dessus. Tania, ben si oui, tu veux déjà encore me parler. J'y réfléchis. C'est ça. Si demain, je me pointe pas au studio, demande-toi pas pourquoi. Hey, t'es pas fine. On remercie évidemment pour l'émission d'aujourd'hui, Gabi. Eh oui. Merci. On remercie Louis-Philippe Quentin du Journal Zone Campus. Merci beaucoup. Demain, l'émission, on sera mercredi. Mercredi est une journée particulièrement intéressante avec Sébastien F. Gartin à 8h et Frédéric Bernard à 8h30. Dans encore du monde d'impro. C'est déjà tout. C'est tout, mais demain, on va être là entre 6h30 et 9h30. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à la radio? Ah, je te gâche qu'à 11h, ça va être le dîner de con avec Danny Janvier. Je te gâche ça aussi. Est-ce que tu me permets de continuer les crocs de neurones à 13h? De surenchérir avec les paparazzi fous, avec moi-même, top 40 de la semaine, à partir de 15h. Et finalement, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Wow! Sifu.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. Merci, Tania. Merci, Mathieu. On se quitte de même à brûle pour point. Ah ouais, à demain. À demain. À demain. Bonne journée, tout le monde! Bonne journée, si vous insistez. Puis, va chasser le moineau. Ah ouais! Va chercher! Va chercher! Va chercher! Bonne Tania! Bonne Tania! Je ne passerai aucun commentaire désobligeant à ton égard. Go, go, go.